Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Il est 6h23, le replay est terminé. Bien sûr, il reviendra demain entre 6h et 9h30, comme d'habitude. Comment va Julie ce matin? Ben, on l'a méga forme. Eh ben, ça n'a pas l'air, hein, c'est arrivé. Ah oui, donc je suis encore bien malade de la gorge. Je ne comprends pas, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai jamais été aussi malade. Mais parce avec toi, Mickaël, on s'est posé la question, peut-être que la nicotine tue les microbes. Exactement, parce qu'elle tue tout, en fait, au final. Tu vois, comme ça, on voit le frein pire de alors, tout. Hein. Voilà, donc arrêter de fumer et tomber malade à peu près tous les mois. Ouais, non, mais ça va aller. Je pense que là, tu commences seulement à récupérer un corps sain. Et donc, du coup, il faut pouvoir passer à tout ce que tu as évité. Ouais, c'est ça, ça se nettoie, c'est normal. Bon, donc, j'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne journée. Enfin, une bonne nuit, une bonne journée hier, en l'occurrence. Là, aujourd'hui, ça devrait bien se passer, là, 6h23 ce matin. On démarre le morning jusqu'à 9h30, comme d'habitude, avec Elisabeth Buffet, qu'on recevra tout à l'heure, avant 9h30, qui est une comédienne assez drôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui était mon cas avant de la recevoir, je dois être honnête, hein. Vous allez voir qu'elle est plutôt bon esprit. Voilà, on aura l'occasion de la recevoir tout à l'heure. Est-ce que t'as prévu un truc pour ce week-end déjà? Oui. Qu'est-ce que t'as prévu? Ah, j'ai un mariage, pareil. Non, je vais aider des potes qui ont acheté un appartement. On va repeindre. Ah, génial, oh putain. Voilà, ça c'est la solidarité. Tu vois, entre potes. Ah non, mais bien sûr. C'est juste que c'est dommage, quoi. Ah non, mais pourquoi? Ah non, bah rien. Ah, mais sinon, y a je t'aurais proposé de venir avec moi voir le concert de Lenny Kravitz, mais bon, si t'es occupé, tant pis. Ah oui, bien sûr. Non, écoute, y a pas de problème. Le concert, je crois que tu vas le voir vendredi, non? Non, pas du tout, c'est lundi. Donc juste après le week-end, là, hop, ça y est, c'est parti. Donc, Lenny Kravitz. Quel est le rapport avec. Ça peut être bien. Ah non, mais j'aurais pu t'inviter. Comme je peins l'appart des amis ce week-end, je ne peux pas aller voir Lenny Kravitz. Je t'aurais invité à composer le 0900 0060, t'aurais acheté tes places et voilà, en plus il en reste, t'aurais pu venir avec moi, ce serait bien marré. Il n'a aucun cœur, quoi. Ça, je serais bien avec toi. Comme gracieusement invité. Comme ça, je serais venu avec toi en voiture, à tes frais et d'essence, et j'aurais tout gagné. Ouais, maintenant, je comprends pourquoi tu me parles de Lenny Kravitz. C'est vraiment dommage. Hier, tu en parlais comme ça, toi et moi, on n'avait rien à voir là-dedans. Non, c'est vrai, bah écoute, mais non, mais là, j'ai invité Julie à venir. Il n'y avait pas de problème, écoute, je comprends vraiment pas. Oui, c'est vrai aussi, un petit peu, c'est vrai. Bon, bah tant pis, toi, tu veux pas venir non plus? Où ça? Voir le concert de Lenny Kravitz? Non. Ah, écoute, c'est dommage, hein. Sinon, il y a le numéro, tu peux réserver tes places, non? Ouais, mais non, j'ai déjà autre chose de prévu. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est pas ce que tu rappelles. Je suis désolé, je peux pas. Ah oui, les blondes, ouais, bon, là, évidemment, contre ça, on peut pas faire grand chose, évidemment. Bah ouais, je suis vraiment désolé. Mais reste avec nous, on va parler de filles dans l'info en plus. En plus, quelle bonne nouvelle. Enfin, cela dit, si vous voulez venir avec moi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert. Donc, réservez vos places. 0900 0060, et une fois que vous les avez réservés, vous me dites quand est-ce que vous partez et qu'on part ensemble, quoi. D'accord. C'est juste où ton concert? C'est à Lille. Ah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, ouais. Oui, parce que Forêt Nationale, c'est à côté de la radio, donc j'aurais pu aller à pied. Ah, mais ça va être parfait de mardi matin, tu vas être encore en meilleure forme. Ah, bah ouais, mais je vais être en pleine forme, mais t'inquiète pas, y a pas de soucis. Bon, ce matin, pas mal de choses à vous offrir. On aura des places pour la soirée avec Moussier Tombola. Ça se passera au Bunker. On aura l'occasion, évidemment, d'en parler un petit peu plus tard. Nous aurons bien évidemment le Mad Mix à faire gagner. Le Mad Mix qui est corsé, là, vous galérez un petit peu aujourd'hui avec le Mad Mix. Et vu qu'on est jeudi, je pense que ce sera le dernier Mad Mix. Ça a vu comment vous galérez. Je vous le remets là, hein. Écoutez bien le Mad Mix de ce matin. Là, il est tombé hier, l'autre Mad Mix. Et voilà, on proposait Lady Gaga, Pitbull et Niro. Alors effectivement, il y a des bonnes réponses dedans, c'est clair. On proposait, j'ai vu hier des propositions, c'était Nirvana avec Pitbull et tout le bazar. Ah, te connaissant, on peut comprendre. C'est vrai, mais alors là, par contre, il ne faut pas du tout se fier à mes goûts. Hein. C'est moi qui ai proposé les sons, c'est moi qui ai fait le mix, mais. Ou alors tu as de drôles de goûts. Ouais, non, je te confirme. Non, faut vraiment pas. De kermesse. Faut pas s'y fier, faut faire attention, faut pas s'y fier. Voilà, si vous pensez avoir la bonne réponse, 6322, vous débutez votre message par iPhone avec tout simplement les trois réponses, et puis on vous appellera peut-être d'ici trois quarts d'heure pour vous passer l'antenne, et peut-être que vous allez pouvoir repartir avec l'iPhone 4S. Voilà, on remboursera vos factures aussi tout à l'heure. Là, c'est le principe est simple, hein, 6322 aussi par SMS. Vous débutez votre message par facture. Je vais tout iPhone pour tout, on va se démerder. Non, vous mettez facture avec le montant et l'objet de la facture tout simplement. Et puis je me pose la question, ton fils a passé une bonne nuit? Non. Non, bon, comment ça se fait? Voilà. Non, d'accord. J'ai archi mal dormi. Voilà, d'accord. C'est tout. D'accord. Rien de bien palpitant, j'étais seul. Pas d'amis, pas de. Voilà, mais. Même mon ours en peluche, il voulait pas de moi cette nuit, donc. Ah ouais, c'est vraiment très dur. Hein. Vraiment sale nuit, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très dur, effectivement. On va prendre soin de toi ce matin. Ouais, on va faire l'amour. Non. C'est ça. Ah, Mickaël et toi peut-être, mais. Je te confirme que non. Et puis pour gagner les écrans plats également ce matin, écrans plats ou pack Nintendo Wii. Petite devinette qui colle, on y va. Attention, le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est un objet que nous cherchons évidemment. Certes, il y en a beaucoup, énormément même, mais bon, évidemment, comme le dit l'énigme, le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii dans un instant. On va s'écouter le son de Sean Paul avec Alexis Jordan, Got to Love You. Et l'info de Julie va arriver également, ce sera dans 1 minute 20. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shug it. Mickaël. À la radio. Fun Radio. Yeah. Il est 6h30 sur Fun Radio. Passez une bonne matinée tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Je vous rappelle la devinette qui colle là pour partir avec l'écran plat. Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas et ne le verra probablement jamais. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, un indice éventuellement à donner. Pas pour l'instant. 4. 4. Oui. Un peu plus normalement, non? Ouais, mais je sais pas pourquoi on dit toujours 4 planches. Ah ouais, d'accord, ok, c'est vrai. 6 pieds également. Tu vas finir entre 4 planches. C'est vrai, je donne un autre indice, 6 pieds. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, 1€ le message. Donc je répète, le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Allez, bonne chance tout le monde. Yes. Oui, si vous avez la bonne réponse, donc allez-y. Et 63,22, comme je le disais. 6h31 sur Fun Radio. C'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Bonjour à tous. Carnet rose en France à 43 ans. Carla Bruni Sarkozy a accouché d'une petite fille hier soir, peu avant 20h à la clinique de la Muette à Paris. Plus tôt dans la journée, Carla Bruni avait été admise à la clinique, arrivée au chevet de son épouse peu avant 16h. Nicolas Sarkozy, le président français, était reparti vers 16h30 pour Francfort où il devait rencontrer Angela Merkel. Il a retrouvé sa femme vers 23h pour rentrer à l'Elysée à minuit. Et c'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un président en exercice devient père. L'Elysée a assuré qu'il y avait une femme capable. Ça doit être ça, oui. L'Elysée a assuré qu'il ne communiquerait pas sur la naissance de cet enfant. Et puis on passe à un monde drôle. Lourde défaite pour Genk face à Chelsea en Ligue des Champions, battu 5-0. Les Limbourgeois n'ont pas eu la moindre occasion de but. J'aurais misé là. L'offre des bus tech va aussi être réduite. L'objectif, juguler le déficit attendu à l'horizon 2016. Selon les projections réalisées sur base d'un blocage de la dotation à 421 millions d'euros, le groupe tech devrait enregistrer un déficit cumulé de plus de 200 millions d'euros d'ici 5 ans. La société régionale wallonne du transport pourrait donc à l'avenir réduire l'offre des bus tech dans les zones rurales ou durant certaines heures du week-end. Elle souhaiterait également augmenter les tarifs de 6% et demander une contribution de 30 euros par an aux passagers qui bénéficient de la gratuité du transport. Près de 50 000 Belges ont changé de banque ces derniers mois, soit une hausse de 28,4% par rapport à l'année dernière. Selon Fait Belfin, cette hausse est due à la meilleure connaissance du service auprès du public grâce aux banques et à l'association Test Achat et non à la récente crise. Le service de mobilité interbancaire a été mis en place le 1er novembre 2009. 27 banques participent au service. Aujourd'hui, la marche blanche a 15 ans déjà, la fameuse marche qui avait vu défiler 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles en hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux et pour réclamer une police et une justice plus efficaces. Cette manifestation a été le plus grand rassemblement de l'histoire de la Belgique d'après-guerre. Et puis pas de reprise des cours avant lundi à l'Athénée de Marche, théâtre d'un incendie au cours du week-end dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le feu a vraisemblablement été bouté volontairement à des poubelles extérieures. Et dans un instant, on va s'écouter le son de Sean Paul avec Alexis Jordan, le temps que Julie se débarrasse du chat qu'elle a dans la gorge. Non, pas du tout. Pas de quoi tu parles. Et à 6h33, on passe à la météo. Après la dissipation de quelques brumes en Ardennes, le ciel sera peu nuageux, avec un tout petit risque d'averse localisée. Rien de bien méchant. Les températures atteindront de 6 à 11 degrés. Donc ça commence à bien cailler là. Demain, beau soleil sur tout le pays. Tout à fait. Bon, on va se faire l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Avec Marc Simpson toujours. Pas du tout. Alors je l'avais promis à Toff, on va parler de filles. Selon vous, non pas nous. Selon vous, après tu en fais ce que tu veux, mais selon vous, quelles sont en Europe les plus belles filles? si vous en Europe dire. Voilà, en Europe, de quel pays viennent les plus belles filles? Bon, en général, les pays de l'Est, elles sont jolies, mais... Ouais. Donc toi, ce serait les pays de l'Est, Tof? Ouais, moi j'aurais dit ouais, c'est ça. Non, moi j'aurais dit Suède, un truc comme ça, Norvège. Bien, pas du tout, quoi. C'est beaucoup plus dans le Sud. Les plus belles filles d'Europe sont italiennes. Ah bon? Non, mais vous êtes pas très gentille. C'est pas très glamour quand tu dis ça. Non, c'est pas très glamour. Mais quoique la voix cassée, il paraît que c'est très glamour. Oui, mais ça dépend. Hein. Peut-être un peu moins le nez bouché. Parce que regarde la voix de Martin. Mais bon, ça va, ok. Donc, c'est une enquête du site Zouvor auprès de 6000 visiteurs qui indique donc que ce sont les Italiennes qui sont les plus jolies d'Europe. Et effectivement, les Suédoises arrivent en deuxième position. Elles sont directement suivies par les Polonaises. Donc, vous êtes quand même assez proches là. Ah, bah quand même. Moi, j'étais troisième. J'ai dit pays de l'Est, Polonaise, tout ça, ça marche. Hein. Donc, ouais, un vacancier européen sur 5 déclare que les filles de la botte, donc de l'Italie, sont les plus belles. Ah ouais, d'accord. Bah donnez-nous votre avis, tiens. Qu'est-ce que vous préférez? Vous trouvez les filles les plus belles? Sur quel pays d'Europe là? 30-44, vous le dites. Donc Tof, il avait dit Suède. Et toi, t'en penses quoi, Julie? Parce que tu peux aimer les femmes, aiment les femmes. Hein. Alors moi, c'est plutôt les femmes qui, je ne sais pas. Je dirais les Italiennes sont quand même pas mal. Hein. Les Italiennes, d'accord. Ouais, et alors, bon. je complète juste mon information parce qu'évidemment, il faut que ça complète. Du côté des garçons, ça donne quoi? Eh bien, ce sont également les Italiens qui sont vus comme les plus beaux. Oh là et là, les Espagnols arrivent en deuxième position. Alors que tout le monde sait que c'est les Belges les plus beaux. Mais évidemment. Ouais. Bon, si vous avez votre avis à donner là-dessus, là, 30-44, on attend vos réactions. Et puis on va s'écouter le son de Sean Paul maintenant. Et Alexis Jordan, Got to Love You sur Fun Radio. Sean Paul sur Fun Radio avec Got to Love You. C'était avec Alexis Jordan également. 6h38 sur Fun Radio. On proposait, parce qu'on venait d'en parler avec Julie, quelles sont pour vous les plus belles filles d'Europe. On proposait les Italiennes, mais Julie reste la plus jolie. Oh, bah, donc. Non, trop mignon. Pas les Italiennes, mais surtout les Siciliennes. Bis à tous et à vous tous aussi sur Fun. Les garçons les plus beaux sont les Kosovars, Croates, et pour les filles, c'est les Slaves ou Russes. Les Italiennes, ok, mais avant 30 ans, parce qu'après, c'est la moustache. Big up. Bon, vos avis, c'est quoi? 30-44, vous nous dites. Et bien sûr, tout le monde sait que les plus belles filles sont américaines, n'est-ce pas, Julie? Oui, en tout cas, elle est très très jolie. Scarlett Johansson. Après, il faut aimer, mais. Je pense que tout le monde va être d'accord. Ouais, mais elle dégage quand même quelque chose de dingue, je pense, cette fille, non? Elle dégage pas mal de photos pour l'instant. Oui, ça c'est sûr. Effectivement. Tu parles de son odeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle dégage. Ouh, elle dégage un truc de dingue. Eh bien, Scarlett Johansson, c'est quand même une fille assez sexy. Enfin, c'est ce qu'en pensent les hommes, beaucoup. Et là, le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop sexy. C'est-à-dire qu'elle devait être au casting d'un film, et malheureusement, le réalisateur n'a décidé de ne pas la choisir pour cette raison. Donc, c'est David Fincher qui est connu pour ne pas choisir ses acteurs à la légère. Et donc, pour le rôle de Lisbeth Salander, parce que bientôt, c'est l'héroïne d'un livre de Girl with the Dragon Tattoo. Ouais, donc la fille avec le tatouage de dragon, ouais. Ceux qui n'auraient pas compris. Eh bien, il va être bientôt adapté au cinéma, et donc il est en train de faire un petit peu ses castings, et il n'a pas fait d'exception. Alors, il explique qu'ils ont vu des gens étonnants, que Scarlett Johansson était super, c'était une super audition, mais le truc avec Scarlett, c'est qu'on s'impatiente de l'avoir enlevé ses vêtements. Bah, c'est ça. Comme ça, au moins, c'est clair. Exactement, et bah oui, comme ça, c'est plié. Donc, c'est finalement Rooney Mara qui a décroché le rôle, donc voilà. Donc, être sexy, c'est bien, mais trop. D'accord. On peut te faire perdre ton boulot, quoi. Déception totale quand même. Ouais. Bon, 6h40 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Dans un instant, la ligne anti-relou. Dans un instant, on parlera également de l'infotrafic. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien, venez nous le dire. Ça se passe au 3044 par SMS, tout simplement. Tof, Mickaël et Julie, vous êtes des gros débiles. Oh, mais oui, merci mais à toi. Mais surtout Julie. C'est vrai, oui, non, mais moi, nous aussi, on t'aime, ne t'inquiète pas. Bon, et puis on vous offre toujours ce matin les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, je vous la répète. Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilise. Ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet que nous cherchons. Ce n'est pas une tombe, hein, parce qu'une tombe c'est quand même bien dur, hein, avec la pierre et tout ça, donc c'est pas ça. Mais si vous avez la bonne réponse, un indice. Donc Tof avait dit 4 planches, même s'il y en a plus, mais tout le monde dit 4. Et puis moi j'avais donné un autre indice, 6 pieds ou 6 feet under. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce que c'est l'objet qu'on cherche? Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas, l'utilisateur ne le voit pas, il y a un écran plat à gagner, écran plat, ou alors les packs Nintendo Wii. Bonne chance tout le monde, 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Niro qu'on écoute. Niro avec Promises sur Fun Radio, on revient en direct dans 3-4 minutes. Restez bien sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Il est 6h46 et que se passe-t-il sur les routes avant de faire la ligne anti-relou? Soyez prudents, un auditeur nous signale un accident sur le 42 en direction de Mons à hauteur de Spi. C'est sur la bande de droite, c'est au kilomètre 60.2 dans la zone des travaux. Camion en panne sur l'A40 lancé en direction de Chenay à hauteur de Hambourg en direction des Ardennes. La sortie est difficile, sortie numéro 39 Chenay. Et puis accident sur le 19 Breda, donc depuis les Pays-Bas jusque Anvers à hauteur de Kleine-Barrel. La sortie est fermée au kilomètre 37.6. Voilà, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, bah vous faites comme l'auditeur qui n'a pas signé son message, mais c'est pas grave, hein, qui nous le signale, l'accident là sur le 42 en direction de Mons à hauteur de Spi. Et bah vous faites pareil, 30-44, un petit SMS et 50 centimes le message. Ou alors sinon vous m'envoyez un petit mail si vous avez un smartphone par exemple, mikael@funradio.be. Je lis également les emails qui arrivent en direct dans le studio et là c'est gratuit, au moins pour vous c'est plutôt cool. Et si vous n'avez pas de smartphone, sachez qu'il y a toujours l'iPhone à gagner. On en parlera dans un instant, l'iPhone 4S est à gagner d'ici quelques instants sur Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et avant d'écouter le son de Nero dans un instant avec Promises, il y a bien évidemment la ligne anti-relou. C'est chaque matin sur Fun Radio, 7h-4, 8h-4 et 9h-4. Les meilleurs messages qui sont sélectionnés tous les matins sur ce numéro, le 0-473-86-00-13. C'est un numéro que nous mettons à votre disposition uniquement pour vous, les filles et même les mecs d'ailleurs, mais surtout pour vous débarrasser de tous les relous qui peuvent apparaître parce qu'ils arrivent. Ils sont là très souvent, parfois ils sont fourbes. On ne les voit pas, ils sont quand même là les relous. Ils arrivent comme ça en soirée et boum, on en prend un sur la tronche sans être prévenu. Et là, comment faire pour s'en débarrasser? Eh ben, soit le dégager mais il revient toujours, soit lui donner son numéro de téléphone et on en est débarrassé. Un que... peu comme un boomerang. Mais ouais, exactement. Là, tu le dégages et il revient. Tout à fait. Et donc, mais le problème c'est que si on donne son numéro, on en est débarrassé mais que temporairement puisqu'après il rappelle et c'est foutu. Alors c'est pour ça on a mis ce numéro à votre disposition. Vous le donnez le numéro d'Alien Anti-Relou, 0473-86-0013 et vous en êtes débarrassé définitivement. Et nous, accessoirement, on se marre en écoutant les messages le matin. D'ailleurs, on va écouter le premier message ce matin. Écoutez ça. Allez, Mickaël, dans sa pêche cette musique. Allez, Mickaël, dans sa pêche cette musique. Fun Radio. Mais que fait la police? Allez, Mickaël, dans cette musique. C'est la musique de Fun Radio. Ouais. Bah comme quoi j'ai été victime moi-même également d'un relou. Hein. Comme quoi ça. Comme je vous ai dit que ça peut arriver, comme ça ils sont fourbes. Je ne pensais pas me faire avoir par un relou, mais si pourtant, ça y est. Hein. Bon, et ben bah, voilà. Donc, mais qu'ils n'hésitent pas à passer nous voir à la radio. Mais bien Michael. Sûr, mais évidemment, si bien que le petit déj en plus, hein, nous non, on parle d'or. Bah, bien sûr. Ça fait longtemps. Les mains à forêt, venez bien donc. Sûr. Deuxième message. Oui, Jérémy, on s'est vu hier. Tu m'as laissé ton numéro. J'aimerais bien te rencontrer, en savoir un peu plus sur toi. Laisse-moi un petit message, s'il te plaît. Allez, bisous, bonne soirée. Bon, ça va, il a pas l'air relou, lui. Non. Il a pas l'air. Après, on sait jamais. Troisième message. Coucou, Jackie. C'est Francine, ici à l'appareil. Ah, il y a longtemps. Francine, la tigresse. Oh, ça y est. Écoute, tu m'avais dit de te rappeler, donc je te rappelle. Hein. Toute seule, là, chez moi. Mon ex-mari garde des gosses, pourrait venir. Hein. Je suis sûr que toi aussi. Oh l'horreur. Moi je suis bouche bée. Oh là là là là là là. Mais c'est parce que je suis vite excité par ce genre de déclaration là. Elle adore ça quand on lui fait. Ça va les garçons, vous avez fini? Bon, 6h50 sur Fun. Tout à l'heure, on remet le couvert avec la ligne anti-relou. Ce sera dans moins d'une heure. On vous remboursera vos factures également. Ça, ce sera dans 20 minutes au 6322 code facture en débutant le message par facture. Et puis, je vous rappelle l'énigme, la devinette qui colle pour repartir avec écran plat ou les packs Nintendo. Oui. Écoutez bien, le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Toff avait dit 4 planches tout à l'heure comme indice. Moi j'avais dit 6 pieds ou 6 feet under. Si vous avez la bonne réponse, éventuellement Julie, un indice Si je lâche cet indice, c'est quand même gros quoi. Dis toujours, mais. J'en ai dit cimetière. Ah oui, là effectivement c'est gros, oui. On ne peut pas savoir à l'avance. Hein. Bah, 6 pieds, cimetière, 4 planches, excuse-moi. Mais bon, bah, à ce moment-là, je peux dire dernière demeure. Oui, si tu veux. Bah oui. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message, mais surtout écran plat à gagner ou les packs Nintendo Wii, le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur, ne le voit pas. Voilà, bonne chance tout le monde dans un instant à faire chier le monde, Toff. Ce matin, je pense qu'on va bien faire chier le monde. Oui. Enfin, ce matin, oui. Bon, et en attendant, on va s'écouter le son de Nero sur Fun Radio. Découverte Fun, c'est Promises maintenant à 6h51. 6h54 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. L'info Julie, ça va arriver aussi d'ici quelques instants. Et puis, bah, il est également l'heure de vous faire réécouter, si vous le souhaitez, le Mad Mix. Le Mad Mix, c'est pour repartir avec un iPhone 4S. Il y en a eu un d'ailleurs qui est tombé hier, l'iPhone 4S. Il y en a qui est tombé lundi également. Mais là, avec ce Mad Mix là, on n'est pas à l'abri que vous galériez un petit peu. Mais bon, on ne sait jamais. Je vous le fais réécouter. Allez. J'aurais peut-être pas dû le mettre maintenant parce que ça donne quand même un méga overgrowth indice hein, pour le coup. On vient de passer le 10, donc bon, voilà. Ça, vous savez maintenant ce que c'était. Hein. Il y en a plein qui proposent deux sons, mais il n'y en a pas deux, il y en a trois qui sont planqués dedans. Hein. Il y a trois sons. J'admets qu'il y en a un, on le reconnaît forcément pas terrible, mais il y a trois sons qui sont planqués dans le Mad Mix. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, débuté par iPhone avec avec les trois réponses tout simplement. Et on vous rappellera dans quelques instants, peut-être que vous allez pouvoir donner les trois bonnes réponses. Je vous le souhaite en tout cas. Bon, alors, qui on va appeler ce matin, Toff? Alors, en fait, ce matin, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a un nouveau permis de conduire qui va être mis en place. Et donc, je vais appeler pour dire qu'il n'est plus valable. Ah, et on va te croire. Bah, attends, je vais leur dire qu'il y a une nouvelle réglementation, et donc, voilà, il faut passer l'examen. Ok, très bien. De toute façon, si c'est le commandant 3DNF qui appelle. Évidemment, les gens ne vont que croire, évidemment. On y va, on appelle, on va où là? Nous allons à Braine-le-Comte. À Braine-le-Comte, très bien. Allez hop, 99.8 pour écouter Fun Radio à Braine-le-Comte. C'est parti. 6h56, on n'est pas à l'abri de tomber sur de l'aigreur. Hein. Enfin bon. Non. Oui. Oui, allô, Audi? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, ici dit à l'appareil le commandant 3DNF. Voilà, en fait, je vous appelle au sujet du permis de conduire. Vous êtes au courant? Oui. Oui, parce que en fait, il fallait que je vous dise que en fait, votre permis n'est plus valable. Ah, c'est très bien ça. Oui, voilà. Donc, en fait, voilà, je vous préviens, donc parce que c'est la nouvelle réglementation, hein. Donc. Oui. Donc, il va falloir que vous repassiez un examen, hein. Et donc, ça va vous coûter 150€. Oui, c'est très bien ça. Ouais. Voilà. Mais en attendant d'avoir passé cet examen, donc votre permis n'est plus valable, donc vous ne pouvez plus circuler sur la route. Parfait. Voilà. Donc je vous demanderai de bien vouloir prendre les transports en commun à partir d'aujourd'hui. C'est pour des questions d'assurance que, bien évidemment, elles ne seraient plus valables non plus. Hein. Ouais, pas de problème pour ça. Hein. Ouais. Et donc. Si je vais à vélo, je suis pas sur mon permis. Ah non, à vélo, non, ça y a pas de problème. Hein. Ça, c'est tant que vous avez la force dans les jambes pour pédaler, c'est bon. Hein. Oh, bah alors je vais aller dans une salle de muscu pour avoir de la force dans mes jambes. Hein. Ben voilà, ouais, c'est encore le mieux, hein, parce que moins il y a de crétins sur la route, moins il y a d'accidents. Hein. Ouais. Voilà, c'est bien connu, hein, monsieur. Oui, mais je risque pas de vous rencontrer sur la route, non? Alors non, moi, vous savez, je suis dans un bureau ici. Moi, il n'y a pas de risque. Hein. Donc ça fait un crétin de moins, quoi. Ben c'est ça, comme ça, comme on sera deux à Puyette, ça sera parfait. Hein. Voilà. Allez, monsieur, la bonne journée. Hein. Ouais. Je vais en parler à mes parents. Hein. Oui, vous avez raison. Je sais pas ce que papa va en dire. Non, vous avez raison. Il faut toujours prendre l'avis d'un plus vieux que soi. Ouais. J'irai le voir au cimetière parce que bon, pour le moment, il est au cimetière. Oui. Hein. Bah, si vous voulez, je connais un bon marabout qui peut vous faire entrer en communication. Hein. Ouais. Ah ouais, un sergé, ouais. Hein, ça j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Et à quelle température qui boue votre marabout? Oui, alors ça, c'est-à-dire que ça dépend des jours, hein, ça dépend surtout de la température extérieure, de la pression atmosphérique, bon, parfois ça dépend aussi de son humeur à lui. Hein. Ah ouais. Allez, monsieur, passez une bonne journée à pied. Hein. Gros bisous, hein. Oui, moi aussi, je vous embrasse, hein, c'est avec plaisir. Ah, pour une fois, je crois que tu t'es fait... Ah, c'est génial. Enfumé, hein. Ah, c'est pas du tout, je ne vois pas. Ah, si. Je crois que tu t'es fait enfumer. Extraordinaire. Ouais, je comprends. L'humour qu'il peut avoir à 7h du mat, moi, c'est ça pas mal. C'est pas mal. Bon, on remettra le couvert tout à l'heure si vous pensez qu'on peut arriver à piéger un de vos proches en lui refaisant croire effectivement que le permis, puisqu'apparemment il va changer là, que leur permis est plus valable et qu'ils peuvent plus bouger de chez eux. N'hésitez pas à nous transmettre les numéros 3044 par SMS, évidemment. On va revenir. Ce qu'on a juste oublié de dire, c'est que c'est juste pour les nouveaux permis. Oui, c'est juste pour les nouveaux permis, bien évidemment. On va revenir dans un instant sur Fun avec l'info de Julie et avec le son de Licky Lee également. You, Likili avec I Follow River sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Le son d'Ikili sur Fun Radio, I Follow Rivers tous les matins sur Fun Radio. Nous sommes là en direct avec vous toutes et vous tous et nous allons maintenant rembourser vos factures comme chaque matin. C'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et on écoutera aussi le son des Fugees dans un instant côté souvenir avec Fujila. Et puis bah voilà, pas mal de messages qui sont arrivés ce matin au 63-22. On va rembourser combien, Toff? 65 euros. 65 euros ce matin à 7h10, c'est une bonne nouvelle. Nous appelons maintenant en direct. Si la personne qu'on appelle décroche et surtout bah, répond correctement à la devinette, je mélange tout. Répond correctement à la question que je lui pose, ce sera gagné. C'est jeudi, c'est bientôt fini. Ouais, je te confirme. Salut, c'est Vache, je parle pour le moment, laisse-moi un message, je rappelle-moi plus tard. Elle s'appelle Vache ? Très rapide. Eva. Ah, Eva, j'avais compris, Vache. Salut Eva, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, on t'appelait pour te rembourser ta facture. Malheureusement, le téléphone ne décroche pas car il est éteint et c'est bien malheureux puisque tu passes à côté d'une facture de 65 euros, c'est en ballot. Bon, eh ben voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, Eva. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à retenter ta chance quand tu veux, quand tu le souhaites, tu seras la bienvenue, Eva. Il n'y a pas de problème, gros bisous, Eva. Allez, elle va passer une sale journée, Eva. Eva. Oui. J'ai envie de dire, ouais. Il va te faire foutre. Eh oui, elle va aller mal, ça c'est clair. Enfin, oui. Bon, c'est fini là. Oui, si on va arrêter là. Bon, si vous avez envie de jouer au jeu de la facture, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture à 8h10, c'est dans une heure, eh bien sachez que grâce à Eva, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet. Et grâce à Eva, vous savez, quand quelqu'un ne décroche pas, du coup, l'heure d'après, je ne rappelle que ceux qui s'inscrivent entre le moment où ça n'a pas décroché et l'heure d'après, c'est-à-dire entre maintenant et 8h10. Vous inscrivez au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, c'est cool ça. Eh ouais. Dans un instant, je crois qu'il faut arrêter maintenant. Hein. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou qui va débarquer et du coup, je vais vous répéter encore une dernière fois l'énigme avant de donner la réponse juste après Fujis. Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. C'est pour gagner un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance, les Fujis maintenant sur Fun Radio. C'est Fujila. Le son des Fujis à l'instant sur Fun Radio. Eh oui, vieux son, hein. Il y en a qui disaient faible le son des Fujis. Bah oui Philippe, hein, écoute, après le truc n'était pas enregistré non plus au top du top, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, 7h15 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Dans un instant, Timmy Tempa et Wiz Khalifa avec Till I'm Gone. On prendra quelqu'un aussi d'ici quelques instants qui donnera peut-être la réponse aussi pour gagner l'iPhone 4S et qui a peut-être la réponse du Mad Mix. Mais en attendant, nous avons la bonne réponse pour la devinette qui colle. Et qui est avec nous pour la devinette qui colle? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Comment t'appelles-tu? Monica. Monica, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville, Monica? À Bruxelles. T'es à Bruxelles, 104.7, et t'as quel âge? 38. Très bien. Alors Monica, tu as la réponse à la devinette qui colle. Je vais répéter cette devinette qui colle au cas où. Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est? Un cercueil. Eh oui, c'est un cercueil. Normalement, tout le monde termine dedans. Bon, eh ben écoute, bonne réponse. Grâce au cercueil, tu repars avec un écran plat. Tu vois, grâce à la mort, tu repars avec un écran plat. Super. Un écran plat ou le pack Nintendo Wii, tu choisis quoi? L'écran plat. L'écran plat. Eh ben l'écran plat, il va partir chez toi très rapidement alors. Je te fais des gros bisous, Monica. Passe une bonne journée. Moi aussi, vous aussi. Passe une bonne journée. T'es de quel signe, Monica? Sagittaire. Bah écoute bien, on va se faire l'horoscope maintenant avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Vous êtes là, Doudou? Ah oui, je suis là, veux-tu que je sois? Non, je sais pas, vous avez l'air ailleurs. Ah, mais pas du tout, je suis là, et bien là, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais vous êtes sûr que ça va? Bon, d'accord, ça va pas. Marie Gertrude, elle m'a laissé tomber. Ah, ouais, bah, Mais vous en avez plein d'autres, Doudou. Bah, vous avez une vie de couple, non? Bah, c'est-à-dire que pas exactement, disons qu'en fait, je voyais plus souvent Marie Gertrude, mais hier, elle m'a trouvé avec Marie Chantal. Ah oui. Et comme la semaine dernière, elle m'avait trouvé avec Marie Florence, et qu'avant, c'était ouais, déjà bon, bah, enfin, arrivé. Bon, ouais, c'est pas très grave, quoi, au final, là, vous en avez d'autres, hein, on va pas non plus pour faire un drame, quoi. Sous le coup, ça m'avait quand même travaillé. J'imagine. Bon, on va commencer l'horoscope, Doudou, hein, ça vous changera l'idée, tiens. Ah, on va commencer avec les béliers. Alors, aujourd'hui, vous resplendissez. C'est pas votre dynamisme. Oui, j'ai l'air assez en forme. Ah oui, ça se voit, vous êtes beau aujourd'hui. Merci. Oh là là, déjà bon, qu'il est pas modeste. Les taureaux. Vous allez bientôt atteindre un objectif que vous aviez depuis un moment déjà. Les gémeaux. tout va bien aujourd'hui et vous allez être pleinement satisfait. Les cancers, comme Julie. Les cancers. Oh là là. Oh non, là non. Là c'est là pas là possible. Vous vous sentez sans entrain et au travail, il vous faudra faire preuve de patience. C'est surtout le travail qui doit patienter. Hein. Enfin, les lions. Ah, ne craignez pas de faire des erreurs, c'est pas grave. Les vierges. Ne vous laissez pas gâcher cette journée par des petits problèmes bêtes. Les balances. Une fois de plus, vous ferez l'expérience qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les scorpions. Suivez une idée spontanée, ne planifiez pas toujours tout. Ah bah Monica, c'est à toi là, les sagittaires maintenant. Ah, la réussite est prometteuse. Faites des projets d'avenir qui vous apporteront les effets escomptés. Et bah voilà. Bonne nouvelle Monica. Merveilleux. Et bah voilà, c'est génial. En plus, tu viens de gagner les crampes là et tout. C'est une bonne journée qui commence, tiens. Ça va être une bonne journée. Voilà. Bon, reste là, on prend tes coordonnées. Hein. Les Capricornes. Capricorne, tout va bien, mais vos finances exigent quand même encore un peu d'attention. Et enfin, pour finir, les Verseaux et les Poissons. Verseaux d'abord. Aujourd'hui, ne faites pas des folies professionnelles. Vous risquez de vous brûler les doigts. Bon, et le dernier, les Poissons. Faites confiance sur votre intuition et surtout votre expérience. Eh oui, très bien. Bon, merci Doudou. Oh bah de rien, vous savez, voilà. Moi, c'est toujours avec plaisir. On vous retrouve dans une heure. Oui, dans une heure ou deux, comme vous voulez. Non, dans une heure et dans deux heures. Ah, bon, oui, restez d'accord. Bien là, il y aura les infos de Julie. Ce sera dans 10 minutes sur Fun Radio. Et puis la nouvelle énigme qui colle aussi. Et puis on va jouer dans quelques instants aussi au Mad Mix sur Fun Radio. Le temps d'écouter le son de Tini Tempa. Un très bon son là pour l'instant, j'aime beaucoup. Tini Tempa et Wiz Khalifa sur Fun Radio. Découvert dans Keep It Real tous les vendredis avec Vince. C'est Till I'm Gone. Bon réveil sur Fun, 7h19. Le son de Tini Tempa sur Fun Radio avec Wiz Khalifa. C'était Till I'm Gone. Bon réveil tout le monde. Il est 7h23 sur Fun Radio. Dans un instant, nous allons jouer avec quelqu'un pour peut-être découvrir ce qui se cache derrière le Mad Mix. Le Mad Mix, ça vous permettra de repartir avec un iPhone 4S si vous avez les trois bonnes réponses, c'est-à-dire les trois titres qui sont planqués dans le Mad Mix. Il y aura l'info de Julie aussi d'ici quelques instants. Et puis bah justement, Julie va certainement en parler là dans ses infos. Il s'est encore passé pas mal de choses dans le dossier Dexia cette nuit. Oui. Parce que tu vas en parler ? Oui, oui. Oh, très bien. Oui, parce que Julie est une journaliste professionnelle, donc elle parlera mais de ces informations-là, évidemment. Au de l'information. Si tu m'avais écouté, j'en ai parlé à 7h. Mais... Oui, mais bon, j'étais en train de travailler, je préparais les sons, là. Merci. Et donc, ça nous a donné envie de revoir un petit peu plus en profondeur la pub pour le New Family Plan de Dexia. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est la pub pour le famille, machin, etc. Et donc, forcément, on s'est dit qu'il y a un moment, il fallait peut-être faire un petit peu la mise à jour. Pour toutes les faillites qu'on a causées, pour toutes les sociétés qu'on a ruinées, pour les collectivités qui se sont endettées, pour tous les actionnaires qui ont perdu leurs économies et pour toutes les conneries qu'on a faites. Et ça, grâce à l'argent de l'État belge. Chapeau. Spécialement pour vous, Dexia crée New Faillite Plan. Parce qu'on ne va pas arrêter de s'en mettre plein les poches et que c'est vous qui allez continuer à payer. Découvrez tous les désavantages sur dexia.be/newfaillite-plan. Avançons ensemble vers la ruine. Dexia. Ah ben voilà, c'était la petite mise à jour. Non, je pense qu'il fallait pouvoir en parler, hein, un moment ou un autre, il fallait pouvoir faire cette mise à jour. Ça y est, c'est fait grâce à Fun. La mise à jour a été pliée, comme ça on est tranquille. Faut dire la vérité aux gens. Mais exactement, oui. Bon, dans un instant, l'info, comme je le disais avec Julie, on parlera justement de Dexia dedans. Et là, nous allons maintenant jouer au Mad Mix. Le Mad Mix est avec qui ? Qui est là pour jouer au Mad Mix ? Anthony. Salut Anthony, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien Anthony. T'as quel âge ? Dans quelle ville ? J'ai 21 ans, là je suis à Monceau. T'as 21 ans et t'es à Monceau, très bien. Et bien sûr, tu n'as pas encore l'iPhone 4S car il n'est pas encore sorti, bien sûr. J'ai l'iPhone 4, mais j'ai pas le 4S. Ah d'accord, oh bah oui, t'as déjà le 4 et toi tu veux simplement ce petit S en plus. Alors d'accord. Attends, il en faut toujours plus, hein, c'est normal. Bah ouais, je sais bien. Ouais. Bon, on écoute maintenant le Mad Mix. Si t'as les 3 bonnes réponses, tu repars avec cet iPhone 4S. Écoute bien. Alors, Anthony, est-ce que tu as les bonnes réponses ? Nous t'écoutons. Ben, je pense que c'est Pitbull, Niro et Enrique Iglesias. Pitbull, Niro et Enrique Iglesias. Eh bien, tu as 2 bonnes réponses. Ah, quand même. Oh. Eh ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Dommage. Eh oui, bah c'est bien déjà, 2 bonnes réponses. Une toute petite, mais c'est vrai que la dernière est très difficile à trouver. Oui, enfin la première en l'occurrence. Mais c'est la dernière proposition. Eh oui, le dernier son, c'est dommage. Bon, bah tant pis, Anthony. En tout cas, t'auras fait avancer pour le prochain. C'est ça qui est bien. C'est pas grave. Bon, bah voilà, bah, passe une bonne journée quand même, Anthony. Hein. Merci. À bientôt. Salut, salut. Bon, maintenant vous savez, le Mad Mix, il reste un son à trouver, pas des plus simples, certes. Il est déjà parti. Pas des plus simples, certes. Si vous avez une idée, 6322, vous débutez votre message par iPhone. Écoutez bien. Si vous pensez avoir retrouvé les trois titres planqués dans le Mad Mix 63-22, je rappelle qu'Anthony avait proposé Pitbull, Niro et Enrique Iglesias. J'ai dit qu'il y avait deux bonnes réponses dans ces propositions-là. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, la nouvelle énigme, on va vous la poser et on va écouter aussi le son de Lucenzo avec Don Omar, avec Danza Kuduro. Et je vous rappelle qu'il y a l'Invasion Latina également, si vous aimez ce style de musique, tous les vendredis soirs après Keep It Real entre minuit et 1h avec Manu sur Fun. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. 7h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, la devinette qui colle maintenant pour repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii, c'est à écouter maintenant, écoutez bien, plus je me vide, plus je me remplis. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Que suis-je? 63-22, débutez le message avec la réponse et on vous rappelle peut-être tout à l'heure pour vous offrir votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Il y a déjà un écran plat qui est tombé tout à l'heure. Plus je me vide, plus je me remplis. Voilà la bonne réponse, n'hésitez pas. Je vous donne un indice dans un instant, peut-être après l'info justement de 7h30. C'est avec Julie. Bonjour à tous. Carnet rose en France à 43 ans, Carla Bruni Sarkozy a accouché d'une petite fille hier soir, peu avant 20h à la clinique de la Muette à Paris. Plus tôt dans la journée, Carla Bruni avait été admise à la clinique, arrivée au chevet de son épouse peu avant 16h. Nicolas Sarkozy, le président français, était reparti vers 16h30 pour Francfort, où il devait rencontrer Angela Merkel. Il a retrouvé sa femme vers 23h pour rentrer à l'Elysée à minuit. C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un président en exercice devient papa. L'Elysée a assuré qu'il ne communiquerait pas sur la naissance de cet enfant. Lourde défaite pour Genk face à Chelsea en Ligue des Champions. Pas de miracle, battu 5-0. Les Limbourgeois n'ont pas eu la moindre occasion de but. L'offre des bus tech va aussi être réduite. L'objectif, freiner le déficit attendu pour 2016. Le groupe tech devrait enregistrer un déficit de plus de 200 millions d'euros d'ici 5 ans. La société régionale wallonne du transport pourrait donc à l'avenir réduire l'offre des bus tech, dans les zones rurales ou durant certaines heures du week-end. Elle souhaiterait également augmenter les tarifs de 6% et demander une contribution de 30 euros par an aux passagers qui bénéficient de la gratuité du transport. La France était au courant pour Dexia depuis 2010. Il y a plus d'un an, le gendarme financier français s'est inquiété de la situation fragile de Dexia en France. C'est ce qu'affirme le journal Le Soir ce matin. La banque avait de gros problèmes de trésorerie et ne parvenait pas à réunir assez de cash au regard de ses dépenses mensuelles. Le gendarme financier a même envisagé de placer la banque sous surveillance spéciale avec la nomination d'un contrôleur. Les administrateurs de Dexia n'en auraient par contre pas eu connaissance. Et justement, près de 50 000 Belges ont changé de banque ces derniers mois, soit une hausse de 28,4% par rapport à la première année depuis l'introduction du service de mobilité interbancaire. Selon Fébelfin, cette hausse est due à la meilleure connaissance du service et non à la récente crise. Le service de mobilité interbancaire a été mis en place le 1er novembre 2009. Et puis enfin, aujourd'hui, la Marche Blanche a déjà 15 ans. La fameuse marche qui avait vu défiler 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles en hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux et pour réclamer une police et une justice plus efficaces. Cette manifestation a été le plus grand rassemblement de l'histoire de la Belgique d'après-guerre. Et restez bien là sur Fun Radio, car dans un instant, il y aura Lucenzo et Don Omar, Danza Kuduro, et on va parler maintenant de la météo. Après la dissipation de quelques brumes en Ardennes, le ciel sera plutôt nuageux avec un petit risque d'une averse localisée sur l'ouest puis sur le centre du pays. Température de 6 à 11 degrés, ça caille demain, beau soleil sur toute la Belgique. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle déjà. Hein. 7h33 dans un instant, c'est l'info en plus. Et puis je vous rappellerai également la petite énigme qui colle dans un instant pour repartir avec un écran plat. Fun Radio. Fun Radio. Mais à 7h34, quelle est cette info en plus? L'info en plus, eh bien, je vais vous parler des plus belles filles d'Europe. Alors on a déjà fait un petit sondage auprès de vous les garçons ce matin. Donc pour toi Mickaël, c'est plutôt les filles des pays de l'Est. Ouais, les pays de l'Est, Pologne, tout ça, ouais. Et alors Toff, il avait plutôt été parti plus en Suède. Ouais. Voilà. Moi j'aime bien la blonde. Eh bien, oui, ça. En même temps, les pays de l'Est, elles sont rarement brunes, hein. Elles sont blondes, souvent blondes. Hein. Ouais. Ouais, donc apparemment vous c'est plutôt les blondes. Hein. Ouais. Avec des gros seins. Voilà. Une enquête du site Zouvor auprès de 6000 visiteurs indique que ce sont les Italiennes qui sont les plus jolies du continent. Mais effectivement, les Suédoises arrivent en deuxième position et sont directement suivies par les Polonaises. Donc vous n'êtes pas très loin effectivement les garçons. Comme quoi. Hein. Vous représentez bien la gente masculine. Suivent ensuite les Espagnoles et les Néerlandaises. Ah ouais. Donc voilà, alors que du côté des hommes, parce que bien sûr pour nous les filles, on n'a pas le temps. Et bien pour les filles, les hommes qui sont les plus beaux, ce sont les Italiens. Donc décidément la botte, là, donc l'Italie à la totale. Hein, la botte à la côte, c'est Mickaël. Mais je t'en prie. Donc si les Italiens arrivent en première position, mais ce sont les Espagnols. Les Espagnols, c'est les chiens qui sont les plus beaux, évidemment. Ce sont les Espagnols qui arrivent en deuxième position. Bon, 7h35 sur Fun Radio, donnez votre avis, tiens. Qu'est-ce que vous trouvez juste là-dedans, justement, c'est quoi pour vous la nationalité européenne qui est la plus belle, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes? 30-44, allez-y, dans un instant, je vous offre aussi vos places pour l'Aventure Park si vous voulez sauter à l'élastique pour tenter de gagner vos 4 places pour la semaine de Toussaint. 63-22, vous débutez votre message par Aventure et on jouera d'ici quelques minutes sur Fun Radio, le temps d'écouter Lucenzo et Don Omar. Maintenant, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio. On fera un tour du côté des réponses aussi qui sont arrivées pour la devinette qui colle, elles sont relativement drôles. Le son à l'instant de Lucenzo et Don Omar, c'est Danza Kuduro. Dans un instant, on aura le son de Florida. Il est 7h39 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle maintenant. Devinette qui colle qui est la suivante. Plus je me vide, plus je me remplis. Que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. On proposait une gastro. Je trouvais ça drôle. Un trou, visiblement, ça n'a fait rire que moi, c'est dommage. Une toilette, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Un robinet n'est pas la bonne réponse non plus. Un puits non plus. Et alors, un indice, Fort Boyard. Il y en a plein quand on rentre dans une pièce. Enfin, il n'y en a pas plein, mais en tout cas, on l'active quand on rentre dans une pièce. Si vous avez la bonne réponse... Eh oui, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Plus je me vide, plus je me remplis. On proposait une des testicules, mort de rire. C'est Mika. Non, c'est pas la bonne réponse. La vessie non plus. Bon, bah voilà, vous avez un indice maintenant. Hein, 63-22, un autre indice, Toff, éventuellement. Clepsydre. Oui, aussi, oui. 63-22, 1€ le message. Écran plat à gagner. Plus je me vide, plus je me remplis. Nous avons maintenant avec nous Sébastien Loeb en direct de Saint-Gilles à Bruxelles, rue de Pologne. Bah, tu vois, on parlait justement des pays de l'Est. Là, on est au top, là, maintenant. Allô, allô, Loeb. Allô. Non, en tout cas, j'ai fait rire Loeb et ça, c'est une bonne réussite pour ce matin. C'est tellement difficile de le faire rire. Je suis encore sur la gastro de tout à l'heure. Ah, d'accord. Ah oui, c'est encore pire, alors. Bon, alors, Loeb, donc en direct de Saint-Gilles à Bruxelles, donc pour un petit Mickaël réveil à Belgique. Tu es donc dans une rue calme, parce que c'est ça le principe. Hein, le but est d'être dans une rue calme pour que quand tu hurles dans le mégaphone... D'ailleurs, pour info, il ne faut pas crier dans le mégaphone parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir un mégaphone. Voilà, donc tu dois parler normalement pour que tout le monde comprenne bien, sinon ça sature et personne ne comprend rien au final, c'est ça le truc. Donc, t'es dans Bruxelles, tu vas donc réveiller la Belgique, en fait, tout simplement, et en l'occurrence, réveiller la rue de Pologne à Bruxelles. Exactement. Eh bien, écoute, nous sommes tout ouïes. Voilà. 3, 2, 1... Alors, c'est il s'en fout, il s'en bat là. Il peut pas s'empêcher. Voilà. Et moi je jette un meuble, je crois aussi. Le canapé. Ah ouais, moi je jette un meuble. La sirène. Bonjour. Fais la sirène. Ah voilà. Voilà, c'est parfait. La rue de Pologne est réveillée. Et bien réveillé, je pense, oui. En plus, une rue bien calme à Saint-Gilles. Maintenant, je vais dire tout l'Europe parce que maintenant, je suis rue d'Espagne, en fait. Ah, rue d'Espagne, très bien. Ben, réveille l'Espagne également, tiens, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parfait. Attends, si je vois bien, il est dans un beau quartier, alors. Oui. Voilà, la Pologne et l'Espagne sont réveillées, c'est magnifique. Bon, ben, reviens à la radio, Loeb. Il y a la déclaration express dans 40 minutes, là. Ok, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Si vous aussi vous voulez réveiller la Belgique, hein, gagner des cadeaux, n'hésitez pas. Vous vous inscrivez 3044, vous débutez le message par réveil, ou alors vous faites un mail, hein, michael@funradio.be. Restez bien là, Florida, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. On fera un tour du côté de la ligne anti-relou, évidemment, et de l'infotrafic. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas. On avait parlé d'un bouchon tout à l'heure et on me confirme, Bastien qui dit, je confirme l'accident dans les travaux de Spicence, Namur, Charleroi. Il y avait 2 km de bouchon tout à l'heure, donc il y en a 6 maintenant, donc faites gaffe si vous êtes effectivement dans ce coin-là. Michael, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Michael, à la radio. C'est Fun Radio, il est 7h46. Bon réveil tout le monde, on va directement faire un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, je vous rappelle cet accident sur le 42 Liège en direction de Mons à hauteur de Spy. Il y a maintenant 6 km de fil, si possible, évitez de prendre cette chaussée. Accident également sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Custines. La bande de droite est obstruée entre le kilomètre 85 et le kilomètre 86. Et puis enfin, accident sur le 25 Neuchâtel-Bastogne-Liège à hauteur de Arros, donc en direction de Liège. La situation est dangereuse au kilomètre 36. Ouais, et il y a Tanguy de Bruxelles aussi, si vous êtes dans la capitale, qui dit bonjour à tous. Il y a un accident dans le tunnel Madou à Bruxelles. Le tunnel est fermé depuis Madou jusque Isère. Il y a Phil. Ah oui, j'imagine qu'effectivement, il va y avoir un bordel sans nom. Sans compter qu'ils ont démonté la place Simonis, donc ça doit être aussi un gros bordel dans ce sens-là. Bref, bon courage. Oui, bon courage si vous êtes dans la capitale et que vous devez bouger ce matin. Ça va bien se passer, mais plutôt dans quelques heures. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, heureusement, elle est là pour faire un petit peu passer le temps pendant qu'on est dans les bouchons. On pense à vous d'ailleurs, hein, rassurez-vous. Alors que nous, on est bien là. Hein. Certes, ouais, on s'est levé tôt, mais là, maintenant, on est à la cool quand même. Ouais, là, on est bien. On va prendre un petit café, petit déj. Ah ouais, un bon petit café, tiens. Oh, j'aime pas ça, mais enfin, ça passe un peu. Tu passes un message à Lob, c'est ça? Ouais, exactement. Ton café. Voilà, Lob, hein, n'hésite pas, café, full sugar, hein, n'hésite pas. Hein. Ouais, mais tant qu'il est encore sur la route, là, qu'il s'arrête à une boulangerie. Ah bah, tant qu'à faire. Bon, comme 7h48. C'est, bah, ça, c'est vrai. On va écouter la ligne anti-relou maintenant, les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne qu'on met à votre disposition, donc, hein. 0 473 86 00 13, le numéro de la ligne anti-relou à donner à tous les relous de Belgique, bien sûr. On va maintenant écouter le premier message de ce matin. Patrice, c'est encore grosse queue du 7012, je crois que je te vois là-bas à l'abri de bus, mais je sais pas si c'est toi. Putain, toi, tu chipotes, t'as ton téléphone, je sais pas si c'est toi qui a plus de batterie ou quoi. Moi aussi, je me chipote par la même occasion, mais tu peux venir parce que je te dis, je vais rien te faire. Hein. Voilà, t'as mon numéro, tu peux me recontacter parce que je veux pas attendre ici, moi, encore. Hein. Tu vas venir? Moi, je t'attends, hein. Viens! Comment s'appelle-t-il, ce monsieur? Patrice, c'est encore grosse queue du 7012. D'accord, ok, bah, très bien. C'est clair. Ben voilà, comme ça c'est fait maintenant. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oh ouais, c'est lui. C'est ton ami. Ouais. J'ai été victime d'un relou. Allez, Michael, dans sa queue de cette musique. Allez, Michael. C'est très dur. Dans cette musique de Fun Radio. Mais oui. Allez, Michael, dans cette musique. C'est la musique de Fun Radio. Oh, c'est très dur. Bon, bah voilà, t'as comme quoi j'ai été. Vachement sympa, oui, je trouve. Comme quoi j'ai été victime également d'un relou, comme quoi ça arrive à tout le monde. Hein. Et enfin, le dernier message pour Sorcy. Oui, Jérémy, on s'est vu hier. Tu m'as laissé ton numéro. J'aimerais bien te rencontrer, en savoir un peu plus sur toi. Laisse-moi un petit message, s'il te plaît. Allez, bisous, bonne soirée. Allez. Il avait pas l'air relou celui-là pourtant, hein, mais bon. Bon, ben voilà, vous avez tout entendu maintenant, les messages de cette ligne anti-relou. Je vous répète, la petite devinette qui colle également pour repartir avec les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Plus je me vide, plus je me remplis. Que suis-je? J'avais dit Fort Boyard comme indice. J'avais dit que c'était devant toutes les portes à Fort Boyard quand on allait faire un jeu, tout ça, etc. Il fallait l'activer. Et donc, Toff, t'avais dit Clepsydre. Clepsydre, voilà. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, 63-22, on disait cool temps. Un cool temps. Oui, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Hein. Mais bon, voilà. Si, on cherche un cool temps. Oui, mais d'accord, mais c'est pas le nom qu'on cherche. Non. Voilà, c'est pas ce nom-là, exactement. Bon, on peut dire plage également. Bah, j'aurais dit sable, oui. Ouais. Ouais. C'était pour pas dire dire sale que je dis plage. Bah oui, mais sable, ça va, ça donne. Bah oui, mais enfin, c'est quasiment la moitié de la réponse là. Bon, ah 63-22, si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message, écran plat à gagner ou le pack Nintendo Wii. On va s'écouter le son de Florida maintenant. C'est Good Feeling sur Fun Radio, 7h51. Bonne matinée sur Fun Radio. Florida sur Fun Radio avec Good Feeling, il est 7h54, bon réveil tout le monde. Message aussi qui est arrivé, qui vous réveille chaque matin, Mickaël de Fun Radio. Eh ben oui, effectivement, je te le confirme, hein, et tu as, et pour info aussi d'ailleurs, trouvé la bonne réponse à la devinette qui colle, tu seras peut-être tiré au sort, qui sait, et puis je répète l'énigme pour les autres. Plus je me vide, plus je me remplis, que suis-je? On proposait la cuve des toilettes. Non, pas du tout, ce n'est pas la bonne réponse. Clepsydre. Ouais, c'est vrai, on proposait une clepsydre. Bah non, c'était l'indice. C'est l'indice Julien va proposer sable et moi j'avais dit que c'était ce qu'il y avait à l'entrée des portes à Fort Boyard. Bah sinon moi pour compléter l'indice de Julie j'aurais dit oublier. Oui, merci. Comme ça vous mixez les deux, c'est plié comme ça. Écran plat à gagner ou les packs Nintendo Wii 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Il y aura Maroon 5 dans un instant, mais avant cela, comme tout à l'heure, on va rappeler des gens déjà pour les emmerder, mais surtout pour leur dire qu'ils n'ont plus de permis. Bah oui, en fait, comme la réglementation elle change, bah je vais en profiter pour expliquer aux gens qu'ils peuvent plus prendre la route avec leur vieux permis. Ouais, et qu'ils doivent repasser un examen. Ce que tu oublieras de dire, bien évidemment, c'est que cette nouvelle réglementation, ce n'est que pour ceux qui n'ont pas encore le permis. Oui, mais par contre, je n'oublierai pas de leur dire que c'est payant. Et bah, bien sûr, évidemment. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. D'ailleurs, si tu pouvais éventuellement appeler Julie pour le permis, parce que vu l'état de sa voiture, je pense qu'un retour à l'auto-école ne serait pas un luxe. Je sais pas, moi j'y sais après, c'est pour rendre service. C'est Julie qui a embouté la mienne. Julie, c'est surtout les 10 leçons sur comment bien garer sa voiture. Mais vous êtes méchant. Ah, vous êtes méchant, je m'en vais, je rentre à ma maison. Voilà, je me casse. Allez, on appelle où maintenant, Toff? À Dampremise. Dampremise. Trop rien. Méchant. Très bien, mais non. Si. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à Dampremise maintenant. Ça sonne, c'est le côté positif. J'en dors peut-être encore à cette heure-ci. Faut croire que oui. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Oui. Oui, police fédérale à l'appareil. Oui. Oui, je vous appelle au sujet du permis de conduire. Vous êtes au courant? Non. Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Vous ne savez pas que le permis de conduire va changer? Non. Bon, ben voilà, je vous l'annonce alors. Hein, le permis de conduire va changer. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Et donc, je vous appelle parce que votre permis n'est plus valable, madame. Ah, oh, ben j'ai pas très le faire changer, monsieur, c'est bien gentil. Oui, une seconde, j'ai pas fini. Alors, donc, il faut que vous alliez à l'auto-école, vous allez repasser un examen, hein, pour prévoir 150€ pour le passer. Oui. Voilà. Et donc, bien évidemment, en attendant, vous n'avez plus le droit de rouler avec votre vieux permis. Hein. Ah, ben je ne roulerai pas alors, monsieur. Ben écoutez... Ah, ben heureusement, vous m'avez prévenu, comme ça, je ne roulerai pas avec mon permis alors. Ben, oui, madame, hein, parce que si vous aviez un accident, si vous étiez arrêté, ça pourrait avoir des conséquences graves, hein. Oh, parfait. Heureusement que vous m'avez prévenu, je ne roulerai pas alors. Ben voilà, madame. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. La bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'elle s'est un petit peu foutu ta gueule quand même. Pas du tout, elle a tout de suite compris à qui elle avait affaire. Oui, elle n'a pas discuté. Oui, elle avait tout de suite à faire un mytho. Mais oui, c'est ça. Bon, on appellera d'autres personnes tout à l'heure si vous avez des connaissances qui pourraient éventuellement s'énerver relativement rapidement. Quelqu'un qui m'avait dit ouais, appelez ma copine, elle est partie de mauvaise humeur. Oh, une fille qui part de mauvaise humeur le matin. Ça n'existe pas. C'est ça, voyons, ne nous prend pas pour un mytho quand même, voyons. Enfin, pour des cons plutôt, voyons. 7h58 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse les factures, comme chaque matin. Je vous rappelle que ça n'a pas décroché à 7h10, donc on ne sélectionne que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Résultat, il vous reste 12 minutes pour se faire. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. On va écouter aussi le son Maroon 5 dans un instant, comme promis, avec Christina Aguilera. Ce sera Move Like Jagger sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Il est 8h sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, le remboursement des factures et le son de Maroon 5. Et là, nous passons maintenant à l'info avec Julie. Bonjour à tous, carnet rose en France à 43 ans. Carla Bruni Sarkozy a accouché d'une petite fille hier soir, peu avant 20h à la clinique de la Muette à Paris. À 56 ans, Nicolas Sarkozy, le président français, est papa pour la quatrième fois. C'est le deuxième enfant pour Carla Bruni, maman d'Aurélien, âgée de 10 ans. C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un président en exercice devient papa. Lourde défaite hier pour Genk face à Chelsea en Ligue des Champions, battu 5-0, pas de miracle, les Limbourgeois n'ont pas eu la moindre occasion de but. Le procès de Ronald Janssens pour triple assassinat touche à sa fin. Le verdict de culpabilité sera connu en cours de journée et demain, les peines seront établies. Le verdict de culpabilité ne fait aucun doute. L'avocat du tueur en série lui-même admet la responsabilité de son client dans les meurtres de Kevin, Shanna et Annick. Cependant, il demande aux jurés des assises de Tongres de ne pas retenir la préméditation. La France était au courant pour Dexia depuis 2010. Il y a plus d'un an, le gendarme financier français s'est inquiété de la situation fragile de Dexia en France. La banque avait de gros problèmes de trésorerie et ne parvenait pas à réunir assez de cash au regard de ses dépenses mensuelles. Le gendarme financier a même envisagé de placer la banque sous surveillance spéciale avec la nomination d'un contrôleur. Les administrateurs de Dexia n'en auraient par contre pas eu connaissance. L'offre des bus tech va aussi être réduite. L'objectif, freiner le déficit attendu pour 2016. Le groupe tech devrait enregistrer un déficit de plus de 2 millions d'euros d'ici 5 ans. La société régionale wallonne du transport pourrait donc à l'avenir réduire l'offre des bus tech dans les zones rurales ou durant certaines heures du week-end. Elle souhaiterait également augmenter les tarifs de 6% et demander une contribution de 30 euros par an aux passagers qui bénéficient de la gratuité du transport. Aujourd'hui, la marche blanche a 15 ans déjà, la fameuse marche qui avait vu défiler 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles en hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux et pour réclamer une police et une justice plus efficaces. Cette manifestation a été le plus grand rassemblement de l'histoire de la Belgique d'après-guerre. Et restez sur Fun Radio dans un instant, le son de Maroon 5 avec Christina Aguilera et on va parler de la météo maintenant. Après la dissipation de quelques brumes en Ardennes, le ciel sera un petit peu nuageux. Un petit risque d'averse localisé sur l'ouest et puis sur le centre du pays. Température s'accaille hein, de 6 à 11 degrés. Demain, beau soleil sur toute la Belgique. Très bien. Bon, eh ben dans un instant, c'est l'info en plus. Et puis les remboursements de factures, ça va se passer dans un instant également. 63-22, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle d'ici quelques instants. Il vous reste 7 minutes pour vous inscrire puisqu'à 7h10, ça n'a pas décroché. Donc, on n'appelle que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10. Bonne chance tout le monde. Et à 8h04 sur Fun Radio, nous allons maintenant parler de cette info en plus. Mais quelle est l'info en plus à 8h04? Une info en plus qui fait un petit peu froid dans le dos. Hein. Ça se passe aux États-Unis, dans l'Illinois. Et en fait, une fillette de 9 ans s'est fait arrêter par la police au milieu de la nuit. Au volant de la camionnette de son père, avec son père à côté. Ah oui, mais elle avait envie d'aller faire un petit tour. Oui, mais le problème, c'est qu'elle a 9 ans. Ah oui. Et à 9 ans, on ne conduit pas, en plus, en pleine nuit, la camionnette de son papa, qui est mort bourré à côté. En fait, ils se sont arrêtés à une station essence pour prendre de l'essence, et là, le pompiste s'est rendu compte que c'était la fillette de 9 ans qui était au volant de la voiture, donc il s'est dit qu'il y avait un petit problème, forcément, il a appelé la police. Et quand la police a arrêté la camionnette, la petite fille a demandé, mais pourquoi m'arrêtez-vous? Je conduis très bien. Mais oui, bien sûr. Alors lui, le père, il a répondu, je l'ai nommé chauffeur personnel, je suis sous. Bon, mais ça c'est clair, donc voilà, à 9 ans, elle a pris le volant parce que son père était ivre mort, il avait bu trop de whisky, il avait donc voulu donner une petite leçon de conduite à sa fille. Il sera évidemment poursuivi, notamment pour maltraitance insensible. C'est normal, tu m'étonnes. 8h05 sur Fun Radio, alors apparemment, je pense que tu as oublié un mot, ça m'arrive souvent hein, quand je dis des trucs parfois ou quand je les écris, j'oublie un mot, c'est le mot le plus important de la phrase. Et comme là par exemple, t'as dit je pense, mais j'étais pas sûr, mais un auditeur me confirme, en hommage du pédophile Marc Dutroux, c'est en hommage aux victimes bien sûr que Julie a voulu dire. Oh, je m'excuse voilà. Bien évidemment. Évidemment, voilà. C'est en hommage aux victimes, la marche ça blanche. Ça tombe sous le sens, bien entendu. Ça c'est bon. Sûr. Maroon 5, on écoute Christina Aguilera également avec Moves Like Jagger. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. C'est dans 5 minutes, 63-22 code facture. Bonne chance tout le monde. Le son de Maroon 5 à l'instant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Allez, c'est l'heure de payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça tous les matins sur Fun Radio. On vous rembourse vos factures au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture évidemment. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, c'est normal puisqu'on sélectionne, on a sélectionné exceptionnellement que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10 ce matin et nous allons appeler maintenant quelqu'un. C'est parti. Attention, si il ou elle décroche, c'est gagné. Allô? Allô? Oui? Bonjour, qui paye les factures le matin? Mickaël, c'est Fun Radio! Eh ben voilà! Et une facture de 52 euros, c'est ça, Tof? Combien c'était, Tof? Tof, c'était combien? Pardon, 56 euros. 56 euros, tant pour moi, j'ai un petit peu abaissé. 56 euros, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Émilie. Tu t'appelles Émilie, tu as quel âge? T'es dans quelle ville, Émilie? Alors, j'ai 23 ans et j'habite depuis peu à Marcinelle. Très bien. 103.5 pour écouter Fun Radio vers Marcinelle. Bon, Émilie, c'est pour acheter quoi les 56 euros? Bah, c'était la plus grosse erreur. Enfin, la deuxième plus grosse erreur. C'était un jeu FIFA 2012-2011 pour mon copain et voilà. Ah, mais c'est plutôt copain aujourd'hui, c'est ça? Quoi? C'est plutôt copain aujourd'hui. J'ai pas compris, pardon. Ce n'est plus ton copain aujourd'hui, si? Ben disons que quand je rentre le soir, il me regarde, il me dit t'es déjà là avec la manette en main. Ça, ah voilà, mais c'est effectivement pas une très très bonne idée d'offrir ce genre de cadeau. Si tu cherches un nouveau joystick, je suis disponible. Ouais, merci Tof. Bon, et ben écoute. Ah oui, en plus, bah dis donc. Bon ben voilà Emily, 56 euros, on va te les rembourser cash. Ah, c'est ça, la classe, merci. Mais je t'en prie. Gros bisous, Émilie. Je vais juste faire un bisou à mon copain, il nous écoute en ce moment sur son chantier. Allez, vas-y. Allez, Jonathan, gros bisous et à tantôt. Eh bah écoute, voilà, message passé. Si tu peux lui faire l'amour ce soir au lieu de jouer à ton jeu vidéo, ça lui ferait plaisir. Ça aussi, ouais. Bon, bah gros bisous, Émilie. Merci. Bah ça fait plaisir d'avoir des gens de bonne humeur. La patate, ça fait plaisir. Et reste en standard, on va t'expliquer comment ça marche pour le remboursement de la facture. C'est parce que son copain la fatigue pas la nuit, alors forcément elle a la patate. Ah ben en pleine forme le matin, évidemment. Bon, 8h11 sur Fun Radio, Rémi reste au standard et nous allons dans un instant vous donner la réponse à l'énigme qui colle, la devinette qui colle. Je répète une dernière fois, plus je me vide, plus je me remplis. On avait donné plusieurs possibilités tout à l'heure de réponse. Il y en a une évidemment qui est bonne. J'avais dit Fort Boyard, c'est ce qui est à l'entrée des portes. Toff avait dit Clepsydre. Julie avait dit Sable, voilà, c'est ça. Et donc la bonne réponse, eh bien, elle arrive dans 3 minutes sur Fun Radio 63-22. Vous débutez la réponse évidemment par la réponse avec votre numéro de téléphone et on vous rappelle dans un instant, pareil aussi pour l'iPhone 4S qu'on va peut-être vous payer, vous donner, vous offrir avec le Man Mix et on écoutera aussi le son de DJ Fresh avec Louder. Ça va arriver dans un instant sur Fun, restez là. Ne le bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. DJ Fresh sur Fun Radio avec Louder à l'instant, 8h16. Dans un instant, il y aura Neyer avec Mombi et Pitbull aussi. Ce sera Soave. Et puis, je vous propose d'écouter le Mad Mix maintenant. Si vous avez une idée, quel est le morceau? Quels sont les trois morceaux qui sont planqués dans le Mad Mix? Écoutez. Les réponses à envoyer au 6322 en débutant votre message simplement par iPhone avec les trois réponses et vous repartirez peut-être avec l'iPhone 4S. On prendra quelqu'un à l'antenne avant 9h, donc toutes vos chances, c'est maintenant que ça se passe. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou et nous avons maintenant quelqu'un qui a la réponse à la devinette qui colle. Bonjour, comment t'appelles-tu? Depuis Mathieu. Mathieu, salut Mathieu. Bon, Mathieu, t'as quel âge, dans quelle ville? J'ai 18 ans, j'habite Floreffe. Floreffe, très bien Mathieu, et tu as la réponse. Normalement, la devinette qui colle, je la répète au cas où. Plus je me vide, plus je me remplis. Que suis-je? C'est un sablier. Eh oui, grâce à ce sablier, tu vas donc repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi? La question est dure, mais il faut choisir. Ouais. Avec l'écran plat. Allez, l'écran plat, c'est parti. Je te renvoie au standard on va prendre tes coordonnées, t'envoyer ton écran plat. Ne raccroche pas, d'accord? D'accord. Bon, t'es de quel signe, au fait? Je suis scorpion. Tu es scorpion. Eh bien, écoute, très bien. Nous allons faire de suite maintenant l'horoscope avec l'ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Alors, en fait, on a de la chance, Doudou, hein? Oh, de ma voix tous les matins. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, on a beaucoup de chance. Que vous soyez pas encore endormi en direct. Ah bah non, quand même, je sais me tenir quand même. Je vous dis ça parce que c'est arrivé à la télévision américaine pendant une interview. Le chanteur Harry Belafonte s'est endormi. Voilà. Ah bon, elle devrait vraiment être chiante à cette émission. Ah, ça veut dire que nous on n'est pas chiant, mais c'est gentil ça, Doudou. Non, ça veut dire que vous êtes moins chiant. Ouais, enfin je dis ça, ça m'est déjà arrivé aussi à moi hein, d'avoir un invité qui s'endorme, enfin bon. Bon, les béliers. Aujourd'hui, vous resplendissez par votre dynamisme. En même temps, il était sous l'effet de la drogue, c'est différent. Les taureaux. C'est vrai. Vous allez bientôt atteindre un objectif que vous aviez depuis un moment déjà. Tu balances un nom, Mickaël. Les gémeaux. Ah, tout va bien aujourd'hui, vous êtes pleinement satisfait. Peter Doherty. Les cancers. Vous vous sentez sans entrain et au travail, il vous faut faire preuve de patience. Ça ne m'étonne pas. Eh oui, les lions. Ne craignez pas de faire des erreurs, ce n'est pas grave. Eh oui, bah non, c'est pas grave, les vierges. Ne vous laissez pas gâcher cette journée par des petits problèmes bêtes. Les balances. Ah, les balances, alors une fois de plus, vous ferez l'expérience qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les scorpions. Suivez une idée spontanée, ne planifiez pas toujours tout. Les sagittaires. La réussite est prometteuse, faites des projets d'avenir qui vous apporteront les effets escomptés. Les capricornes. Tout va bien aujourd'hui, mais faites quand même attention un peu à vos finances. Eh oui, les Verseaux. Aujourd'hui, ne faites pas des folies professionnelles, vous risqueriez de vous brûler les doigts. Et enfin, pour terminer, les poissons. Faites confiance en votre intuition et votre expérience. Eh oui, ben oui, on vous retrouve dans une heure, Doudou. Mais oui, d'accord. Avec plaisir, mais j'imagine, dans un instant, c'est la déclaration express comme chaque matin avec notre ami Sébastien Loeb ici présent. Et on va s'écouter le son de Neyer maintenant avec Moby. Le son de Neyer à l'instant sur Fun Radio avec Soave. Il est 8h23 sur Fun. Dans un instant, la nouvelle énigme qui colle, qui vous permettra de repartir peut-être encore une fois avec un écran plat ou avec le pack Nintendo. Oui, avant cela, nous allons faire maintenant la déclaration express. C'est avec Sébastien Loeb qui est avec nous. Hein. Ouais, en pleine forme. Bah oui, bah, j'imagine bien qu'il revient de Saint-Gilles, rue de Pologne et rue d'Espagne pour le réveil de la Belgique. Ouais. Et qui va bien se marrer à mon avis. J'ai pensé à ça, je me suis dit, putain, voir le mois de janvier-février, c'est quand il va y avoir de la neige et tout, et qu'il va aller voir la fin de main dehors, là. Je pense qu'on va bien rire. Non, mais j'ai un hélicoptère chez moi, donc... Ah, bon, alors ça va. Ah, non, mais alors, tout va bien. Bon, on fait une petite une petite déclaration express. Oui, bien sûr. Alors, qui est avec nous pour l'instant? Personne, c'est magnifique. Donc, le mec ne décroche pas, comme d'habitude. Hein. Donc, mais tous les mecs ont les boules, mais c'est dingue. Ouais, mais bon, quand on voit les paroles, à mon avis, c'est pas étonnant. Ah, elles ont été validées par la censure? Bah, je viens vite de les lire, quoi. D'accord, j'ai okay. Pas trop le choix, en fait. Très bien. Bon, et la fille, donc alors, le mec, comment s'appelle-t-il? Alors, c'était Thomas, et la fille s'appelle Déborah. Déborah. Bon, on va quand même essayer d'appeler Déborah, hein, pour lui dire que Thomas avait quelque chose à lui dire. Ils sont ensemble depuis 6 mois, et voulaient juste lui faire une déclaration pour entretenir, quoi. En gros, ouais, c'est ouais, ça. C'est pour raviver. Voilà, c'est ça, c'est pour l'entretien. L'entretien des 6 mois. Allez. Bon, ça ne sonne pas déjà, comment dire? 100 000 km. Ouais, exactement. Voilà. On aura les MFAO aussi après, Sexy and I Know It. Oh merde. Allô? Oui. Ah bonjour. Oui, oui. Bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Ça va? Bonjour Mickaël. Ça va, je t'appelle de la part de Thomas. Ah Thomas, oui. Ah Thomas, oui, le mec là, je me souviens là, vite fait là. Bon, dis donc, je t'appelle parce qu'en fait il aurait dû être à l'antenne avec nous pour la déclaration express, mais bon, comme tu sors avec un mec qui n'a pas les corones, eh ben forcément, du coup, bah. Voilà, du coup il n'est pas là. Du coup il n'est pas là. Mais il avait quand même quelque chose à te dire en chanson, bien sûr, avec Sébastien Loeb. Écoute bien. Oh merde. Oh putain. Don't worry. Avec la petite intro. Oui, bah enfin la petite, c'est-à-dire que dans 2 ans, on sera encore là. Don't worry. Be happy. Voilà, maintenant tu peux y aller là. Quand je bois du coca, je rote. Mais c'est mieux que d'arracher ta culotte. Alors sois gentil. Fais-moi une gâterie. Non, tu ne regretteras pas. Si bien qu'après je ferai ce que je veux de toi. Alors sois gentil. Fais-moi une gâterie. Quand tu l'auras dans la chebouche, je ferai ouh. Oh baby, j'ai envie. Tu m'étonnes qu'il m'a pas fait dire. Que tu me fasses une gâterie. On a bien compris le concept de la chanson, c'est gâterie, hein. Je pense qu'il l'a dit au moins 100 fois, donc dis-moi oui. À ce niveau-là, on est tranquille, hein. Ma chérie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te rendre. Non, c'est bon, la blague. Qu'est-ce que tu en as pensé, cette petite déclaration express? Romantique, non? Oui, très romantique. Très beau, hein, c'était chouette. Super contente, ça me fait super plaisir. Ah, t'as vu, hein? Et ce soir, voilà. C'est fellation à gogo. Non, je crois pas. Non, justement, ce soir, rien du tout. Parce que je pense qu'elle va bien se venger. Elle aura bien raison d'ailleurs. Déjà parce qu'il n'a pas eu les couilles d'être là à l'antenne. Ça, déjà, c'est quand même pas très. Ouais, non, c'est pas très masculin de sa part. Hein. Il n'a pas eu les couilles. C'est pas très masculin de sa part. Bah oui, je suis désolé. Pas fair play. C'est... Non, bah non, voilà. Bon, contre, je crois que Julie veut te parler. Oui, tout à fait. Après l'émission, je pense qu'elle va te fouetter. Bon, et ben voilà, j'espère que cette déclaration t'aura quand même fait un minimum plaisir. Tu m'étonnes qu'il m'a pas fait lire les paroles, quoi. Je te jure. Bon, je te fais des gros bisous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous aussi et merci pour cette magnifique chanson. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Allez, gros bisous à toi, je t'embrasse. Au revoir, à bientôt, dans un instant. Une chanson faite pour moi, c'est gentil, les MFAO, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très touché, hein. Je ne me demandais pas tant. Ça arrive dans un instant sur Fun Radio. À la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 8h31 sur Fun, très en retard, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, carnet rose en France. À 43 ans, Carla Bruni Sarkozy a accouché d'une petite fille hier soir, peu avant 20h, à la clinique de la Muette à Paris. À 56 ans, Nicolas Sarkozy, le président français, est donc papa pour la quatrième fois. C'est le deuxième enfant pour Carla Bruni, maman déjà d'un petit Aurélien de 10 ans. C'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un président en exercice devient papa. Lourde défaite pour Genk face à Chelsea en Ligue des Champions, battu 5-0. Les Limbourgeois n'ont pas eu la moindre occasion de but. Le procès de Ronald Janssens pour triple assassinat touche à sa fin. Le verdict de culpabilité sera connu en cours de journée et demain les peines seront établies. Le verdict de culpabilité ne fait aucun doute. L'avocat du tueur en série lui-même admet la responsabilité de son client dans les meurtres de Kevin, Shanna et Annick. Cependant, il demande au jury des assises de Tongres de ne pas retenir la préméditation. La France était au courant pour Dexia depuis 2010, il y a plus d'un an. Le gendarme financier français s'est inquiété de la situation fragile de Dexia en France. La banque avait de gros problèmes de trésorerie et ne parvenait pas à réunir assez de cash au regard de ses dépenses mensuelles. Le gendarme financier a même envisagé de placer la banque sous surveillance spéciale avec la nomination d'un contrôleur. Les administrateurs de Dexia n'en auraient par contre pas eu connaissance. L'offre des bus tech va aussi être réduite. L'objectif: freiner le déficit de plus de 200 millions d'euros attendu pour 2016. La société régionale wallonne du transport pourrait donc à l'avenir réduire l'offre des bus tech dans les zones rurales ou durant certaines heures du week-end. Elle souhaiterait également augmenter les tarifs de 6% et demander une contribution de 30 euros par an aux passagers qui bénéficient de la gratuité du transport. Les vols sur les chantiers coûtent 80 millions par an. En moyenne, 10 vols par jour sont commis sur des chantiers en Belgique et à peine une entreprise de construction sur 3 signale ses vols à la police. Le secteur demande un numéro d'urgence spécial pour des vols sur chantier. Aujourd'hui, la marche blanche a 15 ans déjà. La fameuse marche qui avait vu défiler 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles en hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux et pour réclamer une police et une justice plus efficaces. Cette manifestation a été le plus grand rassemblement de l'histoire de la Belgique d'après-guerre. Et on va passer. Ah oui, forcément, j'étais en train de parler à l'homme, évidemment, donc j'avais coupé le micro. 8h34, on passe à la météo. Et on va écouter les MFAO aussi dans quelques instants sur Fun Radio. Le ciel sera nuageux avec un petit risque d'une averse localisée sur l'ouest, puis sur le centre du pays. Les températures n'atteindront que 6 à 11 degrés. Demain, beau soleil sur la Belgique. Et nouvelle devinette qui colle dans un instant pour repartir avec un écran plat. Mais d'abord... Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus. L'info en plus qui est quand même assez rigolote, c'est l'histoire d'un pickpocket, je vais y arriver, qui aide les policiers à attraper un concurrent. Ça se passe à Paris et donc il y a un voleur à la tire connu des services de police parisiens parce qu'il avait déjà été arrêté quelques fois. Enfin, à un moment donné, les policiers savent très bien qui est qui. Eh bien, il a lui-même été dénoncé un petit concurrent en fait à la police parisienne. Et il s'est fait balancer quoi. En fait, les enquêteurs étaient sur une histoire d'un homme qui avait volé des cartes de crédit, qui avait déjà retiré quand même 3000 euros grâce à ça. Il était resté jusqu'ici introuvable. Et puis les enquêteurs étaient donc le 13 octobre dernier en surveillance à la gare du Nord et là, un pickpocket toilettes est venu leur dire carrément, voilà, le mec que vous cherchez, c'est lui. Comme ça, il s'est dit, il va se faire attraper et j'ai plus de concurrents sur mon territoire. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Donc c'est pas mal, quoi. Non, mais c'est une idée, ah ouais, hein, bah, c'est un concept, pourquoi pas. C'est à tester. La concurrence. Donc, tu m'étonnes, il a bien fait. Bon, 8h35 sur Fun Radio, il y a LMFAO avec Sexy and I Know It dans quelques instants. On prendra aussi quelqu'un pour jouer avec nous au jeu, bien évidemment, pour le Mad Mix. Je vous le fais écouter maintenant, écoutez. Si vous avez les trois bonnes réponses, 63-22 par SMS, vous envoyez iPhone et les trois réponses. On proposait Pitbull, Katy Perry et Florida, il n'y a qu'une bonne réponse. On proposait Pitbull, Niro et Nelly Furtado, il y a deux bonnes réponses. On proposait Daft Punk, Pitbull et Niro, il y a deux bonnes réponses toujours. Qu'est-ce qu'on proposait? Florida, Miro, Niro, pardon, Don Omar, il n'y a qu'une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a aussi encore comme possibilité là qui sont arrivés? Kelly Minogue, Niro et Pitbull, il n'y a toujours que deux bonnes réponses. Bon, bah maintenant, donc, je pense que vous connaissez les deux bonnes réponses. Bumfunk M6, Pitbull et Niro, toujours deux bonnes réponses. Bon bah 63-22 si vous avez la bonne réponse. C'est 1€ le message en débutant votre message justement par iPhone. Dans un instant, la devinette qui colle et on appelle quelqu'un pour donner les réponses en espérant avoir la bonne pour repartir avec l'iPhone 4S. Allez, le son spécialement maintenant pour vous, c'est LMFAO sur Fun Radio à 8h37, Sexy and I Know It. LMFAO sur Fun Radio, Sexy and I Know It. Il est 8h39. Bon réveil tout le monde, on est ensemble et bien jusqu'à 9h30 comme d'habitude. On aura tout à l'heure l'interview d'Elisabeth Buffett. Enfin, Buffett. Yeah, Buffett. Buffett, yeah, in English. Grande actrice américaine. Yeah, Elizabeth pas du tout. Buffett. Pas du tout. Bon, en tout cas, on aura l'interview tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, la petite énigme pour ce matin, la devinette qui colle, c'est la dernière là que je vous propose d'écouter ce matin pour repartir avec un écran plat. Écran plat ou le pack Nintendo Wii, la console, les jeux et les manettes. Écoutez ça dès que vous m'avez. Vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus. C'est une nouvelle énigme avec une réponse qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir dans il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, mais bon, c'est une nouvelle énigme quand même. Dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus. Il y en a une, il y a une maison comme ça dans Secret Story. Hanté ? Non, pas du tout. Ah. Si vous avez la bonne réponse. J'aime beaucoup que tu donnes comme ça la réponse directement. Bah quoi, ça n'a rien à voir. Je peux donner la réponse. C'est parce que tu es tellement intelligente, Julie. C'est parce que tu es tellement intelligente que voilà, tu sais, tu as trouvé la réponse tout de suite, mais tous les gens ne sont pas aussi intelligents que toi. C'est bon là, je suis assez frotté la manche. C'est pas du tout ça que je demande, mais c'est bête. 8h41, allez hop là, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Et nous accueillons maintenant quelqu'un pour jouer avec nous au Mad Mix. Nous accueillons 21 ans Florian, 21 ans de Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Salut Flo. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Bah ça va bien aussi. Attention Florian, le moment est grave. Qu'est-ce que tu as comme téléphone actuellement? De la merde. Pour le moment, Sony Ericsson. Sony Ericsson, d'accord. Bon, ça va, c'est une bonne marque. C'est juste que, effectivement. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a du bruit derrière, mais c'est pas le téléphone, je pense. Mais par contre, l'iPhone, évidemment, bah, nouvelle génération, l'iPhone 4S, quand même, ça peut être sympa. Alors, attention, attention, écoute bien le Mad Mix. Alors, quelles sont les réponses? Je pense à Cascada. Ouais. Et Niro. Et tu as toujours deux bonnes réponses, hein, comme tout à l'heure. Ah putain. Ah putain, pardon. Putain, putain. Eh oui, on reste sur deux bonnes réponses, malheureusement. Ah là là là là là. Ah bah le premier est très très difficile ouais, à trouver. Ouais. Bon, eh bah écoute, tu retentes ta chance quand tu veux, hein. Salut à toi, à bientôt. Salut, merci. Allez, ciao à toi. Bon, bah je vous le remets là, c'est parce que je suis bon là. Hein. Ce qu'on cherche, c'est le tan tan tan. C'est le début, c'est ça en fait qu'on n'a pas trouvé. Parce que là, vous avez trouvé Pitbull, vous avez trouvé Niro également. Et attention, je vous rappelle le concept du Mad Mix, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. C'est les deux titres Dance Floor, Niro Pitbull, et l'autre, c'est un titre, un truc bizarre qui passe pas forcément sur Fun. Enfin, qui ne passe pas sur Fun, je vous le confirme. Pas du tout. Mais qui passe pas forcément à la radio tout court. Si, si, sur des radios Blair, ça passe. Mais voilà, c'est un titre, c'est un vieux titre bien Blair, quoi. Voilà, donc c'est pas Bumfunk MCs. On proposait Daft Punk, Pitbull, Niro, c'est pas ça. On proposait Sean Paul, Pitbull et Neyo. Alors, c'est pas ça non plus. Pitbull, Niro et LMFAO, c'est pas ça non plus. Tini Tempa, Niro et Pitbull, c'est pas ça. Il y a toujours que deux bonnes réponses. Allez, je sens que vous pouvez le faire. On rejouera tout à à l'heure avant bah du coup avant 9h30. 63-22, vous débutez le message par iPhone avec les trois bonnes réponses. Bonne chance. Et on écoutera dans un instant David Guetta, Little Bad Girl sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. C'est Fun Radio, 8h48, bon réveil tout le monde. Si jamais vous vous levez, là, on va parler maintenant de l'infotrafic. Que se passe-t-il justement au niveau de l'infotrafic, Julie? Accident sur le ring extérieur à hauteur de Zélic. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 47.4. Prudence, objet encombrant dans l'échangeur, le 17 Anvers, Gand avec le 34 Anvers, Knock, à hauteur de Anvers, Linkerover. Donc c'est en direction de Gand, débris donc sur la chaussée. La situation est dangereuse. Et puis, accident sur le ring intérieur de Bruxelles. Toujours à hauteur de Vilvoorde en direction de Zaventem. De Zaventem, la bande de droite est obstruée au kilomètre 37.6. Faites gaffe si vous êtes sur la route et que vous allez par là. Donc, je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à faire péter la Fun Solidarité. 3044 par SMS. Vous envoyez un petit message avec un max d'infos sur l'embouteillage, le radar, l'accident que vous voyez où vous êtes dedans. Ouais, bien sûr. Et si vous voulez pas gaspiller l'oseille, je peux concevoir. Hein. Vous me faites un mail mikael@funradio.be. On va parler maintenant de. Enfin, on va pas parler. On va écouter la ligne anti-relou. Prise de tête avec la ligne anti-relou. 0 476 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins quart. On écoute maintenant les messages qui ont été laissés sur le 0 473 86 00 13 et on va écouter le premier. Francine, la tigresse. Oui. Écoute, je suis avec une thérapeute, donc je te rappelle, hein, toute seule là chez moi. Mon ex-mari garde des gosses, pourrait venir. Hein. Oh, je suis sûre que toi aussi. Mais quelle horreur, mais quelle horreur, c'est clair. T'imagines ta mère est comme ça, quoi. Oh mon dieu. L'angoisse. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relo. Patrice, c'est encore grosse queue du 7012 ici. Je te vois là-bas à l'abri de bus, mais je sais pas si c'est toi. Puis tantôt, tu chipotes à ton téléphone, je sais pas si c'est toi qui a plus de batterie ou quoi. Moi aussi, je me chipote par la même occasion. Mais tu peux venir parce que je te dis, je vais rien te faire. Hein. Voilà, t'as mon numéro, tu peux me recontacter parce que je veux pas attendre ici, moi encore. Hein. Enfin. Tu vas venir? Moi je t'attends, hein! Yeah! Ben voilà, le mec il s'énerve pas du tout à la fin, tu vois ça qui est bien. Il est cool. Les gens sont tarés! Il est à la cool, moi c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, et enfin, le dernier message pour ce matin. Oui, Jérémy, on s'est vu hier, tu m'as laissé ton numéro. J'aimerais bien te rencontrer, en savoir un peu plus sur toi. Bien sûr. Laisse-moi un petit message, s'il te plaît. Allez. Bisous, bonne soirée. Mais oui, bisous, bonne soirée. Et voilà, la ligne anti-relou, c'est terminé pour aujourd'hui. Elle revient bien sûr demain en pleine forme à partir de 6h du mat. Et laissez vos messages, bien sûr. Faites tourner, faites vivre ce numéro, la ligne anti-relou. Ça se passe donc au 0 473 86 00 13. Dans un instant, on va encore appeler les gens pour les emmerder, comme d'hab. Et on écoute David Guetta maintenant. Mais ouais, David Guetta et Tayo Cruz et Ludacris maintenant. Little Bad Girl sur Fun Radio. Bonne matinée. David Guetta sur Fun Radio avec Ludacris à l'instant. C'était Little Bad Girl sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, il est 8h54. Bon courage si vous allez au boulot ou à l'école. Hein. On est ensemble jusqu'à 9h30. 9h30, ce sera le retour de Lucas avec le self. Et on joue encore une fois au Mad Mix tout à l'heure avant 9h30. Si vous voulez vous inscrire, si vous pensez avoir une idée, quels sont les trois titres planqués dans le Mad Mix? Et bien voilà, si vous avez une idée des trois titres planqués dans le Mad Mix, 63-22, débutez votre message par iPhone avec les trois réponses en fait, tout simplement, pour proposer Pitbull, Niro et Two Unlimited. Et non, il n'y a toujours que de bonnes réponses. Dépêche Mode, Pitbull et Niro, il n'y a toujours que de bonnes réponses. Les Black Eyed Peas, Pitbull et Niro, il n'y a toujours que de bonnes réponses. François Hardy, Niro et Pitbull. Ah, c'est pas mal, François Hardy. Enfin, c'est pas loin quand même. Hein. Bon, mais il n'y a toujours que de bonnes réponses, malheureusement. J'ai bien compris quelles étaient les deux bonnes réponses. Ouais, Jimmy Somerville, Pitbull et Niro, il n'y a que de bonnes réponses. Sharona, Pitbull et Niro, il n'y a toujours que de bonnes réponses. Nirvana, Pitbull et Niro, il n'y a que de bonnes réponses. I Love Rock'n'Roll, Pitbull et Niro. De toute façon, même si ça avait été le cas, c'était pas ça, il fallait dire Joan Jett, puisqu'il faut dire les noms évidemment des artistes ou des groupes. Et il n'y a toujours que de bonnes réponses. Voilà, si vous pensez avoir la troisième bonne réponse qui manque, 63-22, en débutant votre message par iPhone, avec tout simplement les trois réponses. Bonne chance. Bon, on va appeler des gens pour les faire chier, Tov, ce matin. Oh, oui, spécial permis de conduire. J'adore emmerder les gens. Bah oui, voilà. Donc tu vas leur faire croire que le permis n'est plus valable parce que, apparemment, il y a une nouvelle loi qui va démarrer, mais que pour les nouveaux permis de conduire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore le permis aujourd'hui. En fait, les nouveaux permis de conduire vont être plus longs à passer. Ouais, et c'est donc ça. Les jeunes vont être accompagnés, mais moi je vais dire aux vieux que leur vieux permis n'est plus valable et exactement. Qu'il faut repasser un examen. Tout à fait, c'est totalement faux, bien évidemment. Oui, bon. Et que ça va surtout coûter 150 euros, sinon ce n'est pas droit. Évidemment. Si, ils le prennent assez bien. Oui, à la rigolade, ils le prennent pour l'instant. Mais à 9h du mat, là, parce que bon, tu sais, quand on appelle tôt, tu peux croire que c'est une vanne, mais à 9h, ça peut paraître vrai. Donc on y va, on appelle. Ouais. Et on va où là maintenant? On y va. Eh ben, Rosset, je te propose. Oui, je sais pas où c'est non plus, mais on va y aller. Écoute, très bien, on y va, c'est parti. Si vous savez où c'est, Rosset, dites-nous, hein, 3044. Qu'on aille se coucher un peu moins con. Voilà. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Oui? Oui, commandant à trois données, va l'appareil ici de la police fédérale. Oui? Oui, voilà, je vous appelle au sujet de votre permis de conduire. Moi? Oui. Oui. Oui, voilà. Donc je vous appelle parce que donc vous êtes au courant qu'il va y avoir une nouvelle réglementation. Pasteur, si vous m'appelez, monsieur. Bah oui, madame, il n'y a pas d'heure pour prévenir les gens, hein. Oui. Oui. Donc il y a une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur et donc votre permis de conduire en fait partie. Oui. Donc voilà, je voulais vous prévenir donc que vous n'avez plus le droit de rouler avec ce permis de conduire là et que vous allez devoir repasser un examen donc hein, qui va coûter 150 euros. Et j'ai affaire à qui, là? Quelle police? La police, la police fédérale, madame. Donc si c'est fédéral, c'est fédéral. Hein. Donc c'est forcément pas local. Hein. Bon, ben, merci. Je prendrai note, alors. Ouais. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, vous arrêtez de conduire et vous allez à l'auto-école pour repasser l'examen. Ben, je vous remercie, monsieur, mais je vous fais savoir que j'ai pas de permis de conduire. Je sais pas conduire. Vous ne savez pas conduire. C'est bien ce qu'on avait vu, hein, madame, que vous saviez pas conduire et qu'il fallait repasser l'examen. J'ai pas de permis de conduire et je conduis pas. Oui. Eh ben, tant mieux. Merci, monsieur. Voilà. Au revoir, madame. Bonne journée. Mais demain, madame. Au revoir. À demain. Ah. À demain? Bah, à demain, si vous voulez. Je vous rappelle demain, d'accord? Oh non, merci, monsieur. À cette heure-ci, je dors, moi. Ah bah, faut savoir, vous me dites à demain. Moi, je vous dis à demain aussi, alors. Non, bonne journée, monsieur. Voilà. Allez, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Eh, c'est ce qu'on appelle se faire niquer. Elle n'a pas de permis. Eh oui, dommage. Dommage. Ouais, bon, bah, tant pis. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Non, bah, moi non plus. Bon, bah, on refera d'autres choses demain. Bah, je le rappelle demain. Bah, peut-être, ouais. Dès 6h du mat, on sera de retour, évidemment. Là, on est là jusqu'à 9h30 avec l'interview aussi d'Elisabeth Buffet dans quelques instants. Avec l'info qui va arriver aussi de Julie. Et puis, je vous rappelle l'énigme aussi, la devinette qui colle maintenant pour repartir avec un écran plat ou avec les packs Nintendo Wii. Dès que vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus. Si vous avez la bonne réponse, c'est une réponse qu'on a déjà donnée dans une autre énigme. Il y a pas longtemps d'ailleurs dans l'énigme qui colle, mais là c'est une nouvelle énigme. Dès que vous voulez me partager, mais dès lors je ne suis plus. Un indice éventuellement. J'ai dit maison tout à l'heure. Il y avait dans Secret Story. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dur de donner un indice. Bon, en général, quand on te le dit, tu dois pas le répéter. C'est... Et puis tu répètes à une personne en disant ouais, non, je l'ai dit, mais il faut pas le dire. Ça ne l'est plus. Ah bah, du coup, ça ne l'est plus, effectivement. Voilà, la bonne réponse au 63-22, bonne chance. Dans un instant, c'est Enrique Iglesias qui arrive. Et il y aura aussi, bien sûr, l'info de Julie, bougez pas de là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Carnet rose en France à 43 ans. Carla Bruni Sarkozy a accouché d'une petite fille hier soir, peu avant 20h, à la clinique de la Muette à Paris. À 56 ans, Nicolas Sarkozy, le président français, est papa pour la quatrième fois. C'est le deuxième enfant pour Carla Bruni, maman déjà d'un petit Aurélien de 10 ans. Et c'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'un président en exercice devient père. Lourde défaite pour Genk face à Chelsea en Ligue des Champions, battu 5-0. Les Limbourgeois n'ont pas eu la moindre occasion de but. Le procès de Ronald Janssen pour triple assassinat touche à sa fin. Le verdict de culpabilité sera connu au cours de journée et demain les peines seront établies. Le verdict de culpabilité ne fait aucun doute. L'avocat du tueur en série lui-même admet les responsabilités de son client. Cependant, il demande aux jurés des assises de Tongres de ne pas retenir la préméditation. La France était au courant pour Dexia depuis 2010. Il y a plus d'un an, le gendarme financier français s'est inquiété de la situation fragile de Dexia en France. La banque avait de gros problèmes de trésorerie et ne parvenait pas à réunir assez de cash au regard de ses dépenses mensuelles. Le gendarme financier a même envisagé de placer la banque sous surveillance spéciale. Les administrateurs de Dexia n'en auraient par contre pas eu connaissance. L'offre des bus tech va aussi être réduite. L'objectif, freiner le déficit de plus de 200 millions d'euros attendu pour 2016. La société régionale wallonne du transport pourrait donc à l'avenir réduire l'offre des bus dans les zones rurales ou durant certaines heures du week-end. Elle souhaiterait également augmenter les tarifs de 6% et demander une contribution de 30 euros par an aux passagers et qui bénéficient de la gratuité du transport. Les vols sur les chantiers coûtent 80 millions d'euros par an en Belgique. En moyenne, 10 vols par jour sont commis sur des chantiers et à peine une entreprise de construction sur 3 signale ces vols à la police. Le secteur demande un numéro d'urgence spécial pour les vols sur chantier. Et puis enfin aujourd'hui, la marche blanche a 15 ans déjà. La fameuse marche qui avait vu défiler 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles en hommage aux victimes du pédophile Marc Dutroux et pour réclamer une police et une justice plus efficaces. Cette manifestation a été le plus grand rassemblement de l'histoire de la Belgique d'après-guerre. Et on va passer à l'info dans un instant. On va aussi à l'info météo, bien sûr. On va aussi vous rembourser vos factures sur Fun Radio 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous rembourse vos factures cash dans 7 minutes. Et au niveau du ciel, que va-t-il se passer ? Bien, c'est un ciel nuageux avec un petit risque d'averse localisé sur l'ouest, puis le centre du pays, mais rien de bien méchant. Température de 6 à 11 degrés. Demain, beau soleil sur tout le pays. C'est la bonne nouvelle. Et puis restez bien là, dans 30 secondes, on va s'écouter. L'info en plus, je viens de taper le micro avec mon doigt, ça me fait un mal de chien. On aura aussi Enrique Iglesias et Pitbull avec I Like How It Feels sur Fun Radio. 9h05 sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez. L'interview d'Elisabeth Buffet, c'est dans quelques instants. Mais avant cela, c'est l'info en plus. Alors, selon toi, Mickaël, quelles sont les plus belles filles d'Europe? De quel pays viennent-elles? Bah écoute, moi je dirais la Pologne. Enfin, Pologne, Pays de l'Est, quoi, en règle générale. Ouais, Tof, tu as une idée, toi? Moi, j'aurais dit plus au nord, ouais. les pays scandinaves. Norvège, Suède, etc. C'est ça. Eh bien, une enquête du site Zoover auprès de 6000 visiteurs indique que ce sont les Italiennes qui sont les plus jolies du continent. Alors, ouais, effectivement, ouais. Les Suédoises arrivent en deuxième position, ça c'est pour toi, Tof. Et puis, elles sont directement suivies par les Polonaises, ça c'est voilà. Pour toi, Mickaël. Bon, j'avais dit pays de l'Est, hein, comme ça, c'était plus... Ouais, ne prenez pas de risque, hein, ça pouvait tomber sur une dizaine de pays. Voilà, c'est ça, global, quoi. Donc, en tout cas, un vacancier européen sur 5 déclare donc que les plus belles filles viennent d'Italie. Et la plupart des sondés pensent que les plus belles femmes viennent donc de leur pays. Ouais. Aussi. Alors, je ne vais pas non plus laisser les filles sans plaisir non plus. Et bien, pour elles, les hommes les plus beaux viennent d'Italie également. Ah ouais. Comme ça, au moins, l'Italie a tout raflé. Et les Espagnols arrivent en deuxième position. D'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas. Après, il faut voir. Hein. Après, t'as des très moches aussi dans chaque pays, de toute façon. Quoi qu'il arrive, ça fait. Il y a des très moches. Ça fait baisser aussi la cote. Et c'est bien dommage. Évidemment. 9h06 sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Je vous la répète encore une fois au cas où. Dès que vous voulez me partager. Mais dès lors, je n'existe plus. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un écran plat qui est à gagner. Ou alors le pack Nintendo Wii. Et on vous rembourse vos factures également dans un instant. Là aussi, c'est au 6322 que ça se passe. Code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 65,94€ pour un costume d'Halloween. C'est vrai que ça arrive, ça. Internet télé, 65,48€. La chaudière, 158€. Qu'est-ce qu'il y a aussi 65€ pour une montre Ice Watch pour ma fille. 63€ Forza 4, mais je sais pas ce que c'est. 200€ pour Luminus. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et avant ça, on écoute Enrique Iglesias et Pitbull. C'est I Like How It Feels sur Fun. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. It's my time. Enrique Iglesias sur Fun Radio, I like je recommence, How I Like It Feels. Enfin, un truc comme ça, quoi. Tous les matins. J'ai du mal là. Je l'ai fait de mémoire, c'est pour ça. 9h10 sur Fun Radio, on va vous rembourser vos factures maintenant. Vous êtes nombreux à vous inscrire. Et tant mieux, comme ça on a plus de choix. Et on appelle maintenant quelqu'un qui a été tiré au sort. On va rembourser combien, Tof? Une fortune. Combien? 56,94€. Allez, c'est parti. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle immédiatement. C'est parti. Alors, Ça ne téléphone pas malheureusement et c'est bien dommage. Ah voilà. Voilà. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qui paye les factures le matin ? C'est Mickaël sur Fun Radio. Mais oui. Eh ben voilà, on va te rembourser ta facture. Dis donc, comment tu t'appelles ? Morgane. Salut Morgane, t'as quel âge, t'es dans quelle ville ? J'ai 21 ans et j'habite près de la Louvière. D'accord, 21 ans, ça que tu m'as dit ? Pardon ? 21 ans, tu m'as dit ? Oui, c'est ça. 21 ans, la Louvière, très bien. Et c'est une facture de 56 euros, j'ai brouillé, c'est ça ? 56 euros, 54, non pardon, 94. Voilà, et on paye quoi avec ça ? Un concours d'équitation, enfin Pony Games. Ok, d'accord, bah écoute, il n'y a pas de problème, les 56,94€, on va te faire un virement très rapidement, il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est gagné. Parfait, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Eh bah, ben, je te fais des gros bisous. Plaisir. Eh bah, tu m'étonnes. Et on embrasse tout le monde à la Louvière. Gros bisous à toi, à bientôt. Bah, oui. Salut, bon, salut, salut, ciao. Bon, bah voilà une bonne chose de fait. Tiens, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, l'interview d'Elisabeth Buffet, ce sera rapide, mais en même temps, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir qu'elle est plutôt rock'n'roll. On aura aussi, eh bien, la réponse au Mad Mix, peut-être, la réponse à la devinette qui colle, ça va arriver, le temps d'écouter aussi Bruno Mars. Avec Mary You sur Fun Radio, ça va arriver dans un instant. Restez sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es appelé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et Mickaël à la radio sur Fun Radio, c'est tous les matins entre 6h et 9h30. Et on accueille quelqu'un qui a eu du mal à sortir du lit ce matin. Ah, t'es obligé de le dire. Ouais, si, je suis obligé de le dire. Ouais, c'est, je suis obligé. Et en plus, elle nous a confié des choses pas très reluisantes. Ah bon ? Elle n'est pas lavée. Mais ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les détails. Je ne voulais pas le dire. Même bah, pas du les coup, dents. Est-ce que je tais son nom ou... Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Non, on peut dire une autre. Je vois Chantal Latsouk. Ouais, voilà, on a Chantal Latsouk qui est avec nous ce matin. Hein, donc, comment va Chantal ? Crado, hein, je l'embrasse. Chantal va bien ? Elle est cracra, ouais. Elisabeth Buffet qui est avec nous ce matin, qui sera d'ailleurs aussi dimanche soir à Liège au Vaurire Festival. On aura d'ailleurs des places tout à l'heure. Je vais gérer avec mon ami Super Chinois qui est avec nous. Super Noache pour essayer de gratter quelques places. Mais bien évidemment, avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, qui es-tu, d'où viens-tu, etc., etc. On sait que t'es une rockeuse, hein, t'as fait plusieurs duos, notamment avec Metallica, Nirvana à l'époque, Guns N' Roses, exactement. Non, bah. Plus sérieusement, comédienne, c'est comment on peut définir justement comédienne, oui, ou oui, rieuse. Comédienne, humoriste, amuseuse de rire. Oui, saltimbanque. Non, en gros, donc t'as commencé comment, t'as commencé quand, dis-nous en plus. Alors écoute, j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais un petit peu plus jeune, ouais. Parce que je voulais être effectivement comédienne. Comment sous-entends-tu que c'était il y a longtemps? Mais c'était avant-hier, mon petit chat. Mais bien sûr. C'était, ouais, j'avais 25 ans, quoi. C'était il y a 2-3 ans, quoi. C'est ça, voilà. Ah, ouais. Et voyant que je ne comprenais pas pourquoi les gens ne venaient pas à moi, les propositions, ni ciné, ni théâtre ne venaient à moi, donc j'ai décidé d'écrire un one. Là, je fais vraiment en résumé, hein, mais. Ouais, bien sûr. Et donc, un one man, enfin one woman one show. One woman show, l'occurrence, ouais, exactement. Et voilà, je me suis lancée sur scène toute seule. D'accord. Ah, si vous voulez justement la voir sur scène toute seule, c'est dimanche, donc à Liège au Vourire Festival. Ce sera aussi à Bruxelles le 17 décembre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, ce festival, c'est le festival des frères Taloche. Tu les connaissais avant, les frères Taloche? On s'est croisés de temps en temps dans des galas, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Donc, je les ai trouvés sympathiques. T'as vu leur sketch qu'ils ont fait quand, le sketch qui les a fait connaître en France et en Belgique, etc. Je te parle de ça il y a 10-15 ans, bah, quand ils ont fait. À l'époque où tu faisais des cours de théâtre. Ouais, voilà. Alors, c'est moi, ça. Je m'occupais que de Molière et de Musset, donc Taloche, tu vois, non. Non, mais le sketch qu'ils avaient fait sur la chanson avec elle. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. Ah oui, ça, je le connais, celui-là. Ah voilà, ouais, c'est ouais. Ça. C'est le sketch qui a fait découvrir les frères Taloche, qu'ils a fait cartonner. Est-ce que. Alors, c'est une première, ça te fait pas peur, le fait de faire une première, justement, en Belgique? T'as déjà joué en Belgique? J'ai déjà joué en Belgique, mon petit bonhomme. T'as joué où? Enseigne-toi un peu. Bah, dis donc, prépare tes émissions, merde. C'est la première du festival. Oui, par contre, ouais. Mais ça, c'est génial. Renseigne-toi un peu, ma cocotte. Hein, comment ça se passe là? C'est vrai que j'ai demandé ce matin si c'était la première émission ou pas. Non, c'est hyper sympa de participer et d'aider les jeunes artistes, tu vois. Oui. Ah, les frères Taloche, les jeunes artistes alors. Mais c'est vachement bien de danser à un festival. En plus, c'est ambitieux. Il y a une programmation de malade. Il y a 40 spectacles. Ouais, ils ont vu grand pour un premier. Allez, ouais, allons-y, ils sont fous. Ouais, mais c'est les frères Taloche, ils peuvent se permettre. Ils sont dingo. Il faut pas se demander ce que ça va être la deuxième édition alors. 80 personnes. Ou alors, il n'y en aura peut-être pas. Tuer le festival. J'aurais eu le. Oui, ah, bah, c'est ça ma faute. Qui sait, c'est toujours la faute des Français, de toute façon. Évidemment. Et de toute façon, il n'y a que les Français pour être responsable d'un échec. Mais oui, c'est ça, c'est la faute des Français. Bon, en tout cas, on va se faire une petite pause. Elisabeth, ne bouge pas, on va revenir avec toi dans un instant. Bruno Mars, on va l'écouter maintenant, tiens, avec Marry You. Et puis, on écoutera un petit extrait du spectacle, justement, de ton spectacle, Elisabeth. Ce sera dans quelques instants, 9h19 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Le son de Bruno Mars sur Fun Radio à l'instant avec Marry You. Il est 9h22. Dans un instant, on vous donnera la réponse à la devinette qui colle. Je vous la répète, tiens, on fera ça juste après l'interview d'Elisabeth là qui va pas tarder. Dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus. La bonne réponse vous permettra de repartir avec un écran plat ou alors avec tout simplement le pack Nintendo Wii, la console et avec les jeux également et les manettes. C'est à gagner d'ici 10 minutes grand max. On appellera encore quelqu'un aussi pour jouer au Man Mix. Ça aussi, ça va pas tarder à démarrer sur Fun Radio et 6322 aussi bien sûr si vous voulez vous inscrire. 9h22 sur Fun Radio et nous avons toujours Elisabeth Buffet justement qu'on a reçu il y a quelques instants et là nous allons écouter puisque c'est une comédienne, on va écouter justement un extrait de son spectacle. Elisabeth, on va écouter ça maintenant. Je tiens, je reviens d'une séance d'épilation, enfin je reviens, on passe matin. Ça fait déjà 15 jours quand même. Non, j'ai ça me brûle. Maintenant je sais ce que ressent un homard dans son fétout. T'as des problèmes d'épilation alors en vrai? Oui, c'est-à-dire que j'ai stoppé du coup. Ah, ça y est terminé donc t'as fait l'épilation intégrale. Je fais du homemade mais c'est du coup c'est approximatif. J'allais dire qu'on voyait quelques poils sortir du jeans mais non. Oh, ça c'est de très mauvais goût à sortir. Non, par en plus, contre, faut pas me caresser les jambes dans. Pousse pas parce que là ça pique, hein, ça peut faire saigner je pense. Mais... Ton spectacle. Elle ponce des murs avec ses jambes. C'est ça. Et ton spectacle en vrai donc c'est principalement autobiographique. Ça raconte quoi en fait ton spectacle pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Ah bah c'est les tribulations d'une quadragénaire célibataire fêtarde qui cherche l'amour mais très concrètement, c'est-à-dire au travers du cul. Oui, mais écoute, concrètement, il y a que ça qui marche. La vie, hein. Quoi. Voilà. La base de la vie, donc c'est effectivement très largement autobiographique. C'est pas vraiment autobiographique, on a dit que t'avais 27 ans, je comprends pas. On a été mal informé. D'accord, ok, très bien. C'est parce que t'arrives vers la 40 d'ici 13 ans, quoi. Je flirte avec les 40, et c'est bien d'ailleurs la seule chose avec les 40. Exactement, oui. Bon, et comment va ton célibat? Donc, du coup, ça s'est pas arrangé, visiblement. Bon, non, malin, oui, non, c'est caca. Non, c'est. Non, ça s'est pas arrangé du tout. Ben non, puis l'âge venant, en plus. Alors, si je deviens cougar, du coup. Ah, oui, c'est vrai que ça peut fonctionner, ça, cougar. Mais si jamais ça marche pas au festival, au vous rire, là, Mais t'as les moyens d'entretenir des petits jeunes ou pas? Non, entretenir, non. T'es plus si jeune que ça, mec. Il y a un moment, faut rater. Il y a un moment, ça marchait il y a 10 ans, c'est de mal, mais. Non, je paye pas. Aujourd'hui, c'est trop, là, maintenant. C'est devenu trop. Ça va, on a quand même encore une certaine distance. Oui, il y a peut-être une distance. Elle a un peu d'avance sur moi, quoi. C'est vrai, non, peut-être. Ça va. T'as passé par la fenêtre. Mais en toute simplicité, évidemment. Hein. Bon, est-ce que t'as des projets aussi, genre peut-être un nouveau spectacle, le cinéma, peut-être, la télévision ou... Alors, cinéma, j'ai fait mon premier tournage cet été. Ouais. Ça sortira en juin 2012, je crois, pour l'instant. D'accord. Et, c'est le temps de le voir venir, quoi. Alors, c'est un peu chiant au cinéma, c'est que t'attends. Ah, mais j'ai tourné l'année dernière, c'est ça sortira l'année prochaine. Si tout va bien. C'est ça, ouais. Donc, ça m'a bien plu. J'aimerais bien, effectivement, l'expérience et puis du théâtre, oui, parce que des fois ça manque un petit peu d'avoir des partenaires sur scène. Moi j'aimerais bien jouer avec des gens, et pas que sur scène, oui, c'est ça. Si vous pouvez l'avoir à la maison, Dizette, aussi, ça la serait Dizette bien. La Dizette de Zézette, c'est ça. Et alors, est-ce que tu ris tout dans le spectacle? T'as aucun tabou, t'en as rien à foutre, tu rigoles, ça te fait marrer, tu y vas, et puis je crois qu'on peut rire à peu près de tout le temps avec tout le monde, et puis ça fait pas marrer, tant pis. Moi je suis sans tabou. Et il y a un truc que t'as déjà fait où tu t'es dit, j'aurais pas dû, bon, ça m'a fait rire au final, tant pis, mais genre un truc où tu t'es dit quand même non. D'accord, ok, très bien. Écoute, en même temps c'était un risque de poser une question comme ça, que ce soit un non et de me trouver dans la merde. Mais non. Ces spectacles sont toujours drôles et les vannes qu'elle a toujours fait étaient toujours drôles. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Ça a toujours été au top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé pour le spectacle? Tu t'as fait appel à d'autres éventuels comédiens ou t'as fait ça toute seule? Non, des metteurs en scène, parce que c'est vrai que j'arrivais pas moi à avoir un œil sur ce que je faisais, donc j'avais besoin d'un œil extérieur. Mm-hmm. Donc j'ai fait appel à des gens, notamment Philippe Soyer, qui a bossé avec Christophe Alévèque, avec Florence Foresti. D'accord. Et ça m'a bien aidé. Florence Foresti, justement, aussi. Et Florence Foresti, ce qui m'a aidé, c'est de participer à son gala en 2008. Ouais. Foresti and Friends. Tout à fait. Et c'est vrai que là, ça a foutu un coup de projecteur sur moi. Mm-hmm. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. J'imagine. Ton comédien préféré, c'est quoi? Ou comédienne? Mon comédien préféré. Tu me prends de court, là. Dis donc. Qui j'ai vu récemment, que j'ai trouvé très beau. Enfin, il y a un mec qui sent le cul. C'est Javier. T'es en chien. Ah ouais, alors, t'es en chien. D'accord. Okay. et il sent le cul lui. Ah oui, il sent le cul. Ah, il sent le cul, d'accord. Okay. Bon, en tout cas, on rappelle que donc Elisabeth Buffet sera donc dimanche à Liège au Vourire Festival et que si vous voulez aller directement la rejoindre et voir et assister à son spectacle, on a des places à vous filer maintenant. Vous envoyez un petit message au 6322. Vous débutez votre message par qu'est-ce que vous pouvez mettre festival. C'est bien aussi ça, festival. Vous mettez vos coordonnées complètes et on va vous appeler d'ici quelques instants justement pour eh bien vous offrir vos places. Mickaël à la radio. Hey Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Oui, monsieur Bruce. Je viendrai, je serai à l'heure tous les jours, il n'y a pas de problème. 9h27 sur Fun Radio, dans un instant, on vous appelle pour vous offrir peut-être votre iPhone 4S ou alors l'écran plat tout simplement avec le pack Nintendo Wii pour la devinette qui colle. Pour ça, on va faire quelques minutes de rab. On revient dans un instant sur Fun Radio avec le self qui va démarrer avec 5 minutes de retard. Ça va, il va s'en remettre. Ah, de toute façon, il est même pas là, c'est très bien. Allez, on revient. Qu'est-ce qu'on veut d'abord? Exactement. On revient dans un instant sur Fun Radio pour la dernière partie de Mickaël à la radio avec quelques minutes supplémentaires. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shug it. Mickaël. Fun. À la radio. Et on est là. Yeah. Pardon, Shaggy. Et on est là tous les matins sur Fun Radio jusqu'à 9h30. On l'a fait un petit peu de rap parce qu'on a eu Elisabeth Buffet en interview et donc forcément on a perdu un petit peu de temps par rapport au jeu. Mais on a trop traîné. Ben oui, Buffet traîné, oui, bien sûr. Bon, dans un instant, c'est le self qui arrive avec Lucas. Et là, nous allons appeler maintenant quelqu'un pour la devinette qui colle. Devinette qui colle, donc c'était la suivante, je la rappelle quand mon ordi voudra bien remarcher. Bon, c'est pas grave, tu sais quoi, on va appeler d'abord quelqu'un. Qui est là pour la devinette qui colle? Bonjour. C'est Didier. Salut Didier. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu Didier? Méga forme hein, Didier. Bonjour. Ouais, il a l'air en pleine forme, effectivement Didier. Oui, Didier bonjour. Est un homme posé qui bon. Sait vivre. Didier, tu appelles d'où? De Hawaii, d'accord, ok, très bien, dans la région liégeoise. Et je te rappelle la devinette qui colle. Dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors, je ne suis plus. Que suis-je? Qui est-il? Eh oui. Qui est-ce que tu as la réponse? Oui, un secret. Un secret, effectivement, c'est une bonne réponse. Ce secret qui te permet de repartir avec l'écran plat ou alors avec le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi, Didier? L'écran plat. Eh ben l'écran plat, c'est le troisième de la matinée. Et hop là, c'est parti. On va t'envoyer ça, il n'y a pas de problème. Tu restes au standard, tu ne raccroches pas. Nous allons prendre tes coordonnées, d'accord Didier? Merci. La bonne journée. Merci également, au revoir. Salut, à bientôt Didier. Bon, eh ben oui, ça c'est une... également. Mais salut, eh ben bonne chose de faite. Nous allons maintenant enchaîner directement avec quelqu'un d'autre. Cette fois-ci c'est pour l'iPhone avant de terminer. Bah oui, on a pris un peu de retard. Bonjour, qui est là? Salut Anaïs, comment vas-tu? Ben, ça va bien, je crois. Et, j'ai envie de te dire tant mieux. Hein. Bon, alors, Anaïs, nous allons jouer maintenant pour repartir avec l'iPhone 4S. Je te remets l'extrait. Ouvre bien grande tes oreilles. Anaïs, l'heure est grave. Il y a deux extraits qui ont été trouvés. J'espère que tu les as bien notés, mais je t'écoute pour me redonner les trois extraits, celui que tu aurais éventuellement trouvé plus les deux autres. Nero. Ouais. Bill. Ouais. Et Jacques Dutronc. Mais oui. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Ah, c'est dommage. Eh oui. J'aurais trouvé ça bien, Jacques Dutronc. Il n'y a que deux bonnes réponses, toujours comme tout à l'heure, malheureusement, Laïs. Je suis désolé. Je te fais quand même des gros bisous. Oui, à bientôt. Donc l'iPhone 4S est toujours. À bientôt, Anaïs. Est toujours à gagner. Je vous remets l'extrait maintenant. Attention, mesdames et messieurs. Et voilà, si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, 6322, vous rejouerez avec Lucas d'ici quelques instants dans le self. On proposait Pitbull, Marc-Anthony, Niro et Durand. Non, On proposait Patricia Cass, Pitbull et Niro non plus. Michel Fugain, Pitbull. Michel Fugain, Pitbull et Niro, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Katy Perry, Pitbull et Niro non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Bref, vous avez encore le temps de chercher toute la journée, même demain aussi, on verra bien, pour repartir avec l'iPhone 4S. Bonne chance tout le monde, bonne journée à Julie. Mais bonne journée, Mickaël. Mais gros bisous. Et puis oui, l'information avec Julie revient dans 20 minutes. Ne bougez pas, bien évidemment. J'allais dire ne restez pas là. Restez là et bougez pas, ça a fait ne restez pas là. Mais restez bien là, évidemment. Et puis à demain, cette fois-ci. Bah écoute, oui, à demain. Voilà, et Lucas pour la suite avec le self, les morceaux que vous choisissez au 3044 en débutant votre message par self. Ne loupez pas également tout à l'heure, ce sera bien sûr Jasmine à 13h avec Pure Dance Floor et Evan qui arrive aussi avec toute sa tribu. Ce sera dès 17h. Passez une bonne journée tout le monde et on se quitte avec Britney Spears maintenant, le son de Criminal sur Fun Radio, 9h37. Ciao.